ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la quatrième dimension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la septième dimension, le podcast qui explore toutes les dimensions du cinéma. Je suis Corentin, votre serviteur, et je suis évidemment accompagné de Melvin. Melvin, comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Bah, ça va très bien, ça va très très bien. Alors, au programme du jour, des robots, le meilleur super-héros de tous les temps et Gérard Butler en surjeu. Aujourd'hui, on s'attaque au réalisateur australien Alex Proyas. Alors, avant de s'attaquer au corpus filmique de ce bonhomme, Melvin, j'ai envie de te demander, Alex Proyas, est-ce que tu connaissais avant ? Si oui, qu'est-ce que tu avais vu ? Dis-nous tout. Alors, de nom, que j'ai vu, c'est certains de ses films, notamment Air Robots, quand j'étais plus jeune. C'est un peu un film d'enfance. Et Prédiction, pas un film d'enfance, c'est juste un film tout court. Oh putain, c'est pas respect. Quand t'as une enfance et que tu regardes Prédiction, ça doit faire bizarre. Voilà. Et je connaissais en fait la plupart de ses films de nom, mais sans savoir que c'était lui à chaque fois. Et donc, j'ai pu découvrir que c'était tous ces films étaient la même personne. Et du coup, j'ai découvert le bonhomme plus en profondeur, quoi. Alors, pour moi, Alex Proyas, c'est surtout le réalisateur de The Crow. On en parlera lorsqu'on sera dessus, mais The Crow, c'est un film que j'avais découvert assez jeune. Je veux dire, ouais, je devais avoir 14-15 ans à peu près. Et ça avait été une claque. Ça avait été une énorme claque. J'avais eu un peu peur de le revoir pour le podcast, donc je l'ai revu, on pourra en parler. Mais vraiment, ça avait été une claque. Et après, j'avais vu Dark City, qui avait été... vraiment très très très un très gros choc aussi. Les films suivants, alors j'avais quasiment tout vu, il me manquait Garage Days, que j'ai découvert donc pour l'épisode, mais sinon j'avais pu tout voir. Mais également, ce que j'ai pu découvrir, c'est donc ses courts-métrages. Il a réalisé beaucoup de courts-métrages, et également ses clips qu'on a également pu voir pour l'occasion. Alex Proyas, qu'est-ce que c'est ? Donc Alex Proyas, c'est 7 films sortis entre 1988 et 2016, donc commençant avec Spirits of the Air, Gremlins of the Cloud, qui est un film indépendant australien un peu obscur, et qui se termine par le sublime, grandiose, absolu Gods of Egypt, évidemment. Pour s'attaquer à ça, on va commencer par parler de ses clips, quelques-uns de ses clips. Ensuite, on s'attaquera aux ses courts-métrages qu'il a réalisés avant sa carrière cinématographique. Et ensuite, on rentrera dans le dur en faisant tous ses films. On démarre, Melvin ? C'est parti. Alex Proyas, il est né le 23 septembre 1963 à Alexandrie, en Égypte, mais deviendra australien très tôt et considéré comme un réalisateur australien. Et à 17 ans, il entrera à l'Australian Film and Television School, où il réalisera des courts-métrages. Il fondera d'ailleurs sa boîte de production Meaningful Eye Contact, donc très tôt. Et dans les années 80-90, il commencera vraiment sa carrière avec des clips musicaux, dont on va parler tout de suite. Et quelques pubs pour Renault, Coca, Nike, des marques assez connues. Alors, concernant ses clips, il a fait quand même des gros groupes, c'est-à-dire il a fait du INXS. De INXS, il a réalisé le clip Kiss the Dirt en 86. Tu as pu le voir ? Bah, c'est typiquement du Proyas pour le coup. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors, on va parler de Spirits of the Air. Je te sens quand même une grosse inspiration dans ces déserts un peu vides. Pour rappeler un peu ce film quand même. C'est vraiment on verra plus loin, mais c'est vraiment un désert vide australien. Ils sont australiens, INXS, non ? Oui, ils sont australiens. Moi, INXS, c'est pas un groupe que j'écoute beaucoup. Je connais et j'aime beaucoup Need You Tonight, qui est à moitié un plaisir coupable, mais j'aime beaucoup INXS, mais enfin j'aime bien, mais ouais, ils sont australiens. Ouais, et donc ouais, je trouve que c'est celui du début de carrière de Proyas, c'est quand même, on voit que c'est lui, plus que pour Crowded House, Don't Dream It's Over. Thank you. là, pour le coup, avec ces assiettes qui volent, ça n'a aucun sens, ça. Enfin, ça n'a aucun sens, si, mais bah, pour le coup, je trouve que ça fait plus Clip Lambda. Est-ce que tu aimes Crowded House, déjà? Mais en fait, je connaissais que cette chanson. Que, oui, ça va, j'aime bien. Bah, je pense que beaucoup de gens ne connaissent que cette chanson. Mais ouais, pour le coup, le clip de Crowded House, il a gagné un prix pour le clip, chose que je ne comprends pas, parce que quitte à lui donner un prix, je lui aurais donné soit son clip d'In Excess, soit son clip pour Yes, Rhythm of Love. Et ouais, c'est pareil, il est mieux. Et on le reconnaît plus. Ouais, alors pour le coup, c'est une copie quasi totale du clip de In Excess. Enfin, une copie. Le principe est le même, on va dire. En plus noir. En plus noir. Mais pour le coup, je dois admettre que Yes, c'est un groupe qui me laisse vachement indifférent. Ah, j'aime bien, mais une chanson, la connue, quoi. Owner of a Lonely Heart. Voilà. Bah écoute, oui, j'ai pas grand chose à dire. Yes, pour moi, c'est que ça. Après, il a fait du Alphaville, alors je connaissais pas la chanson. Et... Non, Alphaville, j'en connais que deux aussi. Bah, ouais, Dream Big in Japan, Forever Young, je m'arrête là, moi. Ah, voilà. Et pour le coup, le clip Mysteries of Love, ouais, vu et sans tape, vraiment. Ah, mais est-ce qu'il y a des assiettes qui volent, qui se cassent dans une CGI moche? Non, c'est vrai, ouais, ouais. Alors les CGI moches, ça va aussi être une constante chez Proyas, c'est-à-dire que il va faire trois films. Et ensuite, c'est la décadence. Mais ouais, non, mais parce que je répète que dans Dream is Over, il y a, c'est vraiment pour expliquer, c'est le clip, donc on voit les gens qui chantent, qui font de la musique, et au milieu, il y a des assiettes qui passent devant l'image, mais en plus, elles volent, elles cassent en l'air, mais ça fait vraiment genre filtre, quoi, devant. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Non, c'est faut le voir pour le croire, là, pour le coup. Et en fait, ce que je trouve super étonnant, c'est que... on retrouve une ambiance proche de celle de son premier film, mais quand on compare à la suite, il y a plus du tout ça, en fait. Et pourtant, il y a plein de réals qui ont fait du clip où tu peux retrouver un peu leur patte. Je pense à Fincher, je pense à Scorsese, évidemment, ou à Schumacher. Même Schumacher, qui est un réal autrement moins compétent, on va dire, et bah, qui a quand même... une constante dans ses clips. Là, pour le clip, pas forcément grand chose à dire. Il a aussi fait du Sting. Enfin, il a un peu fait tout ça. Mais bon, quelque chose à rajouter sur les clips ou on va passer au court-métrage? Deux petits trucs. La première, tu parles de Fincher. Donc oui, il faisait partie de la boîte Propaganda, boîte de clips, où il y a eu Fincher, notamment, qui est sorti de là. Et ouais. Le deuxième, sans parler des clips, mais juste des musiques, je trouve ça quand même représentatif de son style musical. Notamment Garage Days. Je trouve qu'on est vraiment dans ce genre. Oui, oui, là pour le coup, on retrouve une constante, mais surtout, ouais, Proyas, c'est finalement. Dans les années 90, aujourd'hui, l'industrie et le système a un peu changé, mais dans les années 90, tu avais vraiment une espèce de voie royale pour entrer dans le cinéma qui était de faire un clip, faire un court-métrage ou un premier film indépendant, faire ensuite le premier gros, premier film de studio plus gros et ensuite encore plus gros. Et finalement, Proyas, de ce que je vois sur internet ou même quand je parle avec plusieurs personnes, c'est que c'était quelqu'un sur qui on pouvait miser quand même pas mal dans les années 90, notamment grâce à ses premiers films. Et là, du coup, t'as les premiers pas avec justement les premiers clips dont on parle. C'est vrai. Donc ensuite, on s'attaque au premier court-métrage. Ouais, le court-métrage qui débute en 80, du coup. Alors, pour les courts-métrages, il a fait Néon, Groping, Strange Residues, Spineless. Tout cela sont sortis entre 80 et 87. Et ensuite, à partir de 94, il a fait Book of Dreams. Il en a fait deux. Le premier s'appelle Welcome to Crateland et le deuxième c'est Ruben's Dream, je crois, quelque chose comme ça. Alors ensuite, comme je dis, donc les deux derniers, Phobos et Mask of the Evil Apparition. Alors, Mask of the Evil Apparition se passe dans l'univers de Dark City, dont on reparlera, mais c'est de ces deux-là, on n'a pas pu les voir. Donc, on prévient à l'avance. Donc, toi, est-ce que tu as pu voir ces courts-métrages? J'ai pas vu les six. J'ai vu les Book of Dreams, ça, parce qu'on en reparlera. Ils sont quand même assez importants. Et les premiers. Et pareil, c'est vraiment du Proyas, quoi. Enfin, c'est dur de parler, de dire que c'est du Proyas alors qu'on n'a pas encore parlé de ses films. Mais on sent que déjà, là, son style arrive. Bah, je trouve qu'il y a déjà cette patte ou ce tropisme, on va dire, pour la façon de filmer des décors, filmer des architectures, filmer un production design qui a vraiment de la gueule. Notamment, moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé Néon, le premier, qui, alors, ça n'a pas forcément de sens, c'est-à-dire que en termes d'histoire ou quoi du court-métrage, c'est un peu à côté. Mais c'est très joli, je trouve ça, il y a vraiment une belle photo, ça a vraiment de la gueule. Et ça a plus de gueule que ces derniers films, on va dire. Mais non, pour le coup, sur ces courts-métrages, c'est vraiment pas trop mal. Je pense que on va peut-être attaquer directement les films, et on refera directement les liens avec les courts-métrages après. Voilà. Ok. Bon, 89 arrive, son premier film indépendant, Spirits of the Air, Gremlins of the Clouds. Je te laisse en parler. Name's Felix. Crabtree. This is Benny. It's me. I'm not sending them away. Go on! People don't fly. I fly. Like a bird, yeah? Pedals, Reverend. Like on a bicycle. Enough push to carry the three of us. I've got 5 days at the most. Well, how come you're on the run? What went wrong? Why don't you go back to where you came from? No more time. Alors, Spirits of the Air, Gremlins of the Cloud, sorti en 89, donc c'est un film indépendant australien dont il est le réalisateur, le producteur et le scénariste, d'une durée de 93 minutes avec un budget de $500,000, c'est pas beaucoup du tout. Pour la petite anecdote, il est monté par Craig Wood, qui est un monteur pardon, qui restera sur The Crow et qui a également bossé après pour The Verbinski, Del Toro, Gunn. Qui a su plutôt bien rebondir, parce qu'à part lui, l'équipe n'a rien fait après. J'ai rien trouvé sur eux, vraiment. Ils ont fait un ou deux projets, mais personne n'a évolué. À l'époque, la critique a surtout retenu le production design. Et alors, pour ce qui est de l'histoire, donc c'est un film post-apo, et ça se passe en Australie, dans un désert, où t'as un couple qui vit dans une maison... Et un étranger arrive dans cette maison, étranger qui est poursuivi par trois inconnus bizarres. Et l'étranger veut apprendre à voler. Enfin bref, l'histoire est assez floue. Et alors, autant je trouve que le film est vraiment assez, très très beau. Je trouve qu'il y a vraiment une façon de filmer que j'aime énormément. Façon de filmer qui m'a un peu rappelé Wolf Creek, où tu mets ta caméra dans un désert ou un environnement... finalement un environnement très grand et qui est vraiment majestueux, et tu peux capter des vraies belles images. Alors le film est très beau, j'aime bien la musique du film, je le trouve pas mauvaise, mais je dois admettre qu'il est dans une espèce de léthargie et de vide permanent qui m'a perdu. Je pense qu'on peut le dire, il ne se passe rien. Je me dis aujourd'hui qu'ils construisent un avion. Et c'est tout. Bah, il fait quand même beau. Il fait quand même beau. Il fait beau. Ouais, le film est quand même vraiment beau, mais il se passe que dalle, quoi. C'est vraiment. Ouais, je te rejoins sur les. Le film est beau, la façon de filmer est belle, la photo est pas si mal. Même les trucs, c'est un personnage d'un fauteuil roulant. Donc les roues de son fauteuil sont rouges et jaunes, comme les cirques un peu. Ouais. Sur le motif de l'avion. Et c'est plein de petits détails comme ça, esthétiques dans les décors, que je trouve super. Mais alors, sorti de tout cet aspect technique, il n'y a rien, quoi. Le production design, comme je disais, a une vraie gueule. C'est-à-dire que c'est vraiment beau. Il y a des décors à nouveau qui sont très, très beaux. Mais vraiment, ouais, c'est le film. C'est tout ce qui m'entriste, triste, c'est que, comme moi, Proyas, pour moi, c'était surtout The Crow et Dark City. Je voulais découvrir d'où il venait. Et j'avoue que voir démarrer par ça, c'est vraiment pas terrible, quoi. En fait, c'est triste, c'est le film sur lequel j'ai le moins de choses à dire, parce que, bah, tu l'as dit, il se passe rien, et vraiment, c'est chiant, quoi. En fait, je pense que c'est à voir avec une compilation de musique lofi, et tu passes juste les plans de décor. Tu vois, genre, les trois premières minutes du film, c'est très bien, c'est-à-dire que c'est plein de très très beaux. On voit des voitures à la verticale et tout, et c'est sympa. Oh, mais non, c'est plein de très très beaux décors avec une musique un peu planante. Mais ouais, il se passe rien, c'est très très chiant. Donc j'avoue que moi j'ai pas grand chose à ajouter, même en termes. C'est tout ce qui est triste, c'est que en termes de scène préférée, moi j'en ai une, celle de. Je la dirais. En termes de musique, bah, c'est vide. C'est très planant, donc c'est vraiment des nappes de synthé, un peu. Ouais, c'est pas grand chose à dire. Donc, si t'as quelque chose à ajouter, on peut passer à la suite après. Et ça fait très. Je pense que ça aurait marché en court métrage, pour le coup. Ça fait très court métrage, mais étendu sur 1h30. Ah ouais, je pense que t'as raison. Je pense que ça aurait pu être un bon cours de 30-40 minutes. Mais là, surtout, il se perd complètement parce que t'as l'impression qu'il veut parler de religion et. Mais enfin, tu sais, avec la femme qui justement à la croix et il en parle quasi explicitement. Hein. Ouais, enfin, ça marche pas. T'as les trois inconnus là qui poursuivent Smith. Tu sais pas ce que c'est. C'est complètement vaporeux. Moi, j'avoue que j'ai à moitié décroché devant. C'était pas. Parlons de ça aussi. Ah putain, je te laisse donc la raconter. Ben à la fin, celui qui est l'inconnu part avec l'avion qu'il a construit. Et voilà. Et ça finit quoi sur un plan de ses yeux, comme ça Non, c'est juste, il part. Voilà, il part. Tout le monde part. Et la fille aussi, elle part. Non, mais ça, vraiment, j'ai pas grand chose à ajouter, moi, j'avoue. Donc, tu veux directement passer aux rubriques ou t'as encore quelque chose à dire? Bah, les rubriques, ça est vite fait parce que déjà, pas de VF. Pas de VF du tout. Ah. Et pour les scènes préférées, bah, je vais te citer l'intro, quoi. Le générique. Salopard. Non, mais enfin, c'est peut-être forcément la même. Je vois pas trop ce qu'on peut dire d'autre. Bah, écoute, là, pour le coup, j'avoue que je prends aussi cette scène-là. Alors, pourquoi est-ce que moi, je l'aime beaucoup? Parce que c'est tout ce que j'aurais aimé que le film soit. C'est-à-dire que c'est très joli. Il y a la musique un peu planante. Et si le film, ça avait été juste, justement, ça avait gardé ce côté planant. Bah moi, ça m'aurait plu, parce que là, c'est vraiment... en fait, ça tente trop de choses, ça se gourre complètement. C'est vraiment pas terrible. Donc, à voir pour un joli production design. Mais ça fait bizarre de se dire que 6 ans plus tard, il réalisera ce que je considère comme un des meilleurs films de super-héros de tous les temps, en fait. C'est vraiment très, très, très étrange. Donc, premier film, pas très... Ça existe, un objet étrange. Je pense qu'on s'en rappellera pas, de toute façon. Clairement pas. Alors, pour la musique, donc on va vous diffuser la Spirit Song par Peter Miller, qui illustre à peu près l'ambiance du film. J'essaierai de mettre un passage correspondant au côté vaporeux dont on vous parle. Thank you. Donc, on passe en 94. Alors, 94, donc 5 à 6 ans plus tard, ça dépend de la date de sortie, parce que Spirits of the Air, Gremlins of the Cloud, certains disent 88, d'autres disent 89, un peu compliqué. Mais donc, en 94, Proyas va débarquer avec The Crow. Again. Throw a little party, start a bunch of fires, make a little profit. When someone's dead. Can't come back, can we? That's what I thought. Are you referring to anyone in particular? You know, my daddy used to say, every man's got a devil. You can't rest till you find him. Winked at me before he jumped out a fourth floor window like he had wings. This link between the land of the living and the realm of the dead. So kill the crow. Call, call, bang, I'm dead! I banish the devil's stuff. I feel no awful goodness. The Crow, film devenu cultissime, notamment à cause de la mort de son interprète principal, Brandon Lee, sur le tournage. Alors, donc, The Crow, donc, classé R aux États-Unis, classé moins de 12 en France, avec un budget de 15 millions de dollars, qui est monté à 23 millions avec la mort de Brandon Lee, vu qu'ils ont dû faire les incrustations numériques. Et ça a été ce qu'on appelle un sleeper hit, c'est-à-dire que le bénéfice final a été de 93 millions de dollars dans le monde, mais au début ça a été un four. Mais c'est vraiment, il a pris peu à peu en ampleur. Donc d'une durée de 102 minutes, au scénario on a David J. Shaw, alors c'est un écrivain d'horreur qui a participé au scénario de Massacre à la tronçonneuse 3 et de Critters 3 et 4. Pourquoi Ah non, pas un gros CB. John Shirley, qui est un écrivain de romans de SF et de fantasy, et qui a fait quelques trucs à la télé, donc genre par exemple Batman Beyond, la série des années 2000 je crois, qui était cool, et qui a pour l'anecdote participé à des textes de Blue Oyster Cult, pourquoi pas. Ensuite, le scénario est basé sur un comics de James Hobart, donc, qui a surtout fait The Crow. Faut savoir que le comics de base est beaucoup plus violent et sombre que l'est le film, et déjà le film c'est pas la joie. À l'excellente musique, on a Graham Rewell, alors qui a également fait la musique de La fiancée de Chucky, Sin City ou Jusqu'au bout du monde de Wim Wenders. Sur la BO du film, en revanche, on a du The Cure, on a du Rage Against the Machine, on a du Pantera, on a du Nine Inch Nails, que du plaisir. La BO c'était caviar pour moi. À la photo, à la sublimissime photo, on a Darius Volsky, donc, qui a également fait la photo de Pirates des Caraïbes 1, 2, 3 et 4, et la photo des derniers Ridley Scott, donc Prometheus, Seul sur Mars. Lui aussi, il a un CV particulier, parce qu'il a fait tout le Ridley Scott, The Walk, tout c'est pas mal, Alice au Pays des Merveilles et Sweeney Todd de Burton, c'est... Sweeney Todd, c'est beau. Sweeney Todd, ça a de la gueule en photo. Le film est nul, parce que les chansons sont atroces, mais... ça a de la gueule quand même, je trouve. C'est pas le même style, quoi, c'est marrant. Tu passes d'un Sicario, Sicario 2. Ouais. Todd. Oui, mais Sweeney Todd The Crow, il y a une petite constante. Ouais, c'est vrai. Sur les décors, on a Alex McDowell. Donc, alors, j'ai tenu à mettre son nom parce qu'il a quand même fait Minority Report, Watchmen, Time Out ou Les Noces Funèbres. Les costumes, on a Ariane Phillips, dont on avait déjà parlé parce qu'elle a fait les costumes de Kingsman. Ouais. Alors, pour ce qui est du casting, donc comme je disais, on a Michael Wincott, donc, enfin, qui a fait 1492, très Strange Days. Un petit rôle de Tony Todd dans Le bras droit du méchant. Et Ernie Hudson, qui a fait Ghostbusters, Ouais, pour le coup, casting, c'est pas forcément, on n'a pas forcément grand chose, mais on a quand même donc Brandon Lee, comme je disais, qui avait joué avant dans Les Griffes du Mandarin, mais que je l'ai pas vu ailleurs, il n'a pas fait grand chose d'autre. Le film lui est dédié. Donc en fait, il est mort sur le tournage suite à un accident, j'ai vu, de poudre, en gros, une cartouche qui était censée être chargée à blanc, et qui en fait a eu un problème avec la poudre qui s'est compactée ou un truc comme ça, et qui l'a vraiment tué. Donc c'est vraiment le film est marqué par ça quand même. Et bon, pour l'anecdote un peu rigolote, l'acteur qui remplace Brandon Lee après sa mort, c'est Chad Stahelski, qui est Melvin, le cascadeur de Keanu Reeves et réalisateur de John Wick. Voilà, donc j'avoue que vu ça, ça m'a toujours fait un peu rire. Après ça, on peut également noter que le rôle de Eric Draven, donc le rôle principal, avait été proposé auparavant à Christian Slater et River Phoenix. Pourquoi pas. Ouais. Ça aurait pas si mal, enfin. Ah, j'avoue que j'ai vraiment du mal à voir un autre acteur dans le rôle. Oui, mais je veux dire, ça aurait été Gérard Butler, je t'aurais fait peut-être pas quand même. Et là, ça va. Ensuite, le rôle de Shelley, donc la petite amie de Eric Draven, a été proposé à Cameron Diaz, ta grande amie. Ouais, non, là par contre, je dis non. Hein. Oh, ça va. Non. Et Iggy Pop devait à la base jouer Funboy. Il a pas pu pour cause d'emploi du temps, mais il jouera dans le 2. Je parlerai des suites après. Proyas a déclaré... Ah ouais, ça aurait été marrant. Mais Proyas a déclaré que pour créer l'univers du film, il s'est inspiré de l'univers de la musique rock et que sa mise en scène a été inspirée par l'idée d'une ville en noir et blanc où les seules couleurs seraient celles du feu et du sang. Est-ce qu'il a vu Sin City, non ? Bah, Sin City, c'est après. Oui, c'est pour la blague. Ça fait vraiment Sin City, quoi. Ouais. Et alors... blanc, avec le sang, quand même. Quelques anecdotes avant de donner mon avis sur le film. Donc, le maquillage du héros est inspiré de celui d'Alice Cooper, ça m'a fait quand même beaucoup rire. Le poème cité par le héros, tu sais, lorsqu'il entre dans le magasin d'armes, ouais. C'est un poète qui s'appelle Le Corbeau. Donc, c'est écrit par Edgar Allan Poe, il me semble. Alors, Brandon Lee aurait voulu le film en noir et blanc. Et le film a été, accroche-toi, tu vas beaucoup rire. Devait à la base être une comédie musicale avec Michael Jackson dans le rôle titre. Bah c'est bien, il passait de noir à blanc comme ça. Ah mais pour le coup, j'ai vu ça, j'ai halluciné. C'est vraiment Lee et Proyas qui ont poussé pour que le film soit ce qu'il est. Alors avant, quand tu vois certains clips de Michael Jackson, ça colle à l'ambiance. Hein. Ouais mais une comédie musicale. Oui non, je vous parle de Michael Jackson. Je parle pas de comédie musicale. Et alors, avant de faire mon fanboy, est-ce que tu veux démarrer sur le film ? En vrai, j'ai pas énormément de choses à dire parce que moi j'ai bien aimé, mais je ne suis pas non plus passé, je suis pas crié au chef-d'œuvre parce que je comprends qu'on adore, mais moi c'est un bon film quoi. C'est parce que c'est pas le, en fait tout cette ambiance sombre, noire, c'est jamais un truc qui m'a énormément plu. C'est pas un truc qui me fait ah oh ouais j'adore ça les films noirs et tout, donc j'ai pas été hyper impliqué, mais après non c'est bien, c'est bien fait, c'est joli, c'est bien filmé, quoique un peu sombre quand même par moment. Je trouve quand même certaines scènes c'est vraiment noir quoi. Après et moi j'ai pu voir un remaster Blu-ray 4K et ouais, pour le coup le remaster éclaire un peu certaines scènes. Ouais voilà d'accord, parce que je l'ai vu en normal. Des fois, c'est un peu sombre. Mais après, non. J'ai pas grand-chose à y dire. Je pense que tu en parleras mieux que moi. Non, mais j'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus. C'est pas un coup de cœur et c'est pas. Mais c'est un bon film, quoi. Alors, juste réaliser que j'ai pas pu dire l'histoire. Alors, pour ce qui est de l'histoire, donc on suit l'histoire de Eric Draven et de sa petite amie Shelley Webster, ce qui est que. Donc le soir de la Devil Night, la nuit d'Halloween, en gros, donc ils vivent leur idylle tranquille. Lui est chanteur dans un groupe de rock et un groupe de truands va venir chez eux et va violer puis tuer sa petite Shelley et va tuer également Eric en le jetant par une fenêtre. Et un an plus tard, un corbeau va venir sur la tombe d'Eric pour le ressusciter et pour lui conférer certains pouvoirs comme l'invulnérabilité et une certaine force pour lui permettre d'assouvir sa vengeance. Alors, comme je le disais, The Crow, la première fois que je l'ai vu, ça avait été une claque. Mais vraiment, après, j'ai aussi, je dois admettre, une appétence pour les univers gothiques, noirs comme ça. Et ça, vraiment, le revoir aujourd'hui, j'ai vu quelques défauts, notamment le jeu de certains méchants. Oui. Ou donc des gangsters. Et les allers-retours entre les scènes avec le personnage de Eric et les scènes chez les bad guys. Et pour le coup, je l'ai toujours adoré de la même façon. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film extrêmement beau, extrêmement bien réalisé. La photo est absolument folle. Je veux dire, vraiment, il y a vraiment un côté comics. Tu vois vraiment certains plans qui sont des cases de comics. Tellement c'est beau. Il y a un vrai jeu sur les couleurs qui noir et blanc, justement, les seules couleurs, c'est certains flashbacks ou le sang, le feu. Vraiment, ça, je trouve que le film, visuellement, ça déboîte en termes de réalisation. Enfin, on est à 15 000 niveaux au-dessus de Spirits of the Air, Gremlins of the Cloud. Je veux dire, c'est ultra lisible. Les plans sur la ville, c'est magnifique. Toute l'architecture de la ville qui est architecture un peu presque désespérée complètement. Enfin, bref, vraiment, c'est... Je trouve que ce film est complètement dingue. Et également, en termes de... Donc, sur l'interprétation, je parlais de Brandon Lee, mais c'est Eric Draven. Je trouve qu'il arrive à apporter une sensibilité et une force à son personnage qui est absolument dingue. C'est vraiment très très fort, et même son maquillage, tout concourt pour le rendre incroyable. Pour l'anecdote aussi... Il est très marquant, hein. C'est clair que... Ah oui. Je peux pas l'oublier, ça. Ah bah écoute, je l'ai en fond d'écran à l'instant même. Vraiment, c'est un personnage que je trouve absolument dingue, et ça me fait toujours rire de me dire que dans The Office, Dwight, son film préféré, c'est The Crow. Ça me fait toujours rire. Mais vraiment, c'est un film que j'aime énormément. Je trouve que la fin est d'une poésie assez folle. Donc la fin, spoiler, mais la fin quand il remeurt, et tu vois quand tu vois le fantôme de sa femme, de Shelly, arriver juste lui mettre la main sur le front, je trouve. Moi, ça me fait pleurer. Moi, je suis une madeleine sur ce genre de scène. Ça me prend par les sentiments. Et vraiment, c'est un film que j'aime vraiment, vraiment énormément, parce que c'est aussi une question d'appétence pour l'univers. C'est-à-dire que j'adore les groupes sur la playlist. C'est-à-dire que quand ils se maquillent avec The Cure en BO, j'avais qu'une envie, c'était de me réécouter la musique juste après. Quand t'as du Nine Inch Nails dans la musique, j'étais comme un dingue. Mais vraiment, c'est un film qui compte énormément pour moi. C'est une ambiance que j'adore, le côté gothique, désespéré, cette espèce de super-héros mélancolique. En passant, je soupçonne très fortement le Joker de Heath Ledger d'avoir vu ce film. Oui, ça ressemble quand même beaucoup au niveau ambiance. Bah, franchement, beaucoup un Batman dans The Crow, ça sonne... Bah, The Crow, pour moi, c'est Batman version dépressif, mélancolique. Enfin, Batman, ouais, c'est déjà pas la joie, mais... Enfin, là, le personnage... Ambiance, ah oui, mais le personnage de Eric Draven, c'est littéralement le Joker version dépressif. Et... vraiment, The Crow, c'est un film... J'avais peur de le revoir. J'avais vraiment peur de le revoir, que ce soit pas la même chose, mais... Il est très marqué années 90. T'as certains effets spéciaux qui picotent un peu ou autre, et t'as le côté vraiment... Rappelons-le, c'est une constante. Ah oui, mais... Proyas, donc c'est pas étonnant. Ah oui, mais t'as le côté un peu emo goth qui est très marqué 90. Quoique, t'imagines, s'il était sorti dans les années 2000, on aurait eu Evanescence en BO. Non, il y avait Daredevil pour ça. Oh putain, attends, il y a du Evanescence dans Daredevil ? Bien sûr, c'est le titre. Oh merde. Je me rappelle pour l'anecdote, je me lasserai jamais de cette anecdote. En termes de groupe gothique ou autre, on peut aussi être Nightwish, et t'as du Nightwish dans Alone in the Dark de UV Ball. Voilà, j'adore cette anecdote. Vive UV Ball. Non, arrête, non, ça je ne cautionne pas. Mais non, vraiment, donc The Crow, voilà, pour moi, c'est un énorme cri du cœur. C'est vraiment... J'adore ce film, c'est pour moi tout simplement un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés, et je pense qu'il sera difficilement égalable. Il y a peut-être le Darkman de Sam Raimi qui est au même niveau, mais voilà, The Crow pour moi c'est au-dessus de beaucoup de choses. Je sais pas si tu veux encore ajouter quelque chose. Et petite anecdote, tu parles de Darkman. Moi je trouvais que Dark City c'était Darkman, donc voilà, un peu déçu. Mais aïe aïe aïe. Non, pas déçu du tout, mais voilà. Quand je m'attendais à Dark City, je m'attendais à Darkman, je suis Dark City. Pas mais pareil. Après, toi, pourquoi est-ce que j'ai pas bien compris, genre pourquoi est-ce que tu n'as pas adoré The Crow? Ça peut être ça que c'est vraiment juste l'univers que t'as trouvé trop sombre. Ouais, en fait, les univers sombres, c'est vraiment. Enfin, tu me connais et regarde la planète de Matthew Vaughn, c'est vraiment des trucs ultra fun, ultra colorés, ultra. C'est comme The Suicide Squad de James Gunn. C'est plutôt ça que je vais aimer. Donc les films sombres, j'aime bien, mais c'est pas mon truc. C'est pas les films que je vais aller, je vais me faire ah tiens, c'est un film sombre, je vais y aller. Donc en fait, c'est juste ce côté-là. C'est l'ambiance m'a pas transporté, si tu veux. Mais même avec la performance de Brandon Lee, parce que sa performance est quand même folle dans le film. Moi, je vois vraiment, je vois aucun autre acteur dans le rôle. Ah non, mais ça, j'ai rien contre les acteurs. Je te dis, en fait, je peux pas vraiment te donner de défauts objectifs. C'est des défauts subjectifs. C'est des trucs de moi, purement de moi. Mais objectivement, non, j'ai rien à redire sur le film, à part, comme tu dis, 2-3 défauts par-ci par-là, mais très oubliables au final. Parce que il y a des caméras. Il y a des trucs qui fera beaucoup Proya, c'est passer à travers les fenêtres comme ça, là. Les fenêtres rondes, dedans. On va retrouver ça surtout dans Dark City. Ouais, voilà, et c'est plein de trucs. Enfin, la caméra fonctionne super bien, les scènes, c'est super bien monté. Non, je vais te donner des défauts, comme tu dis, ouais, au lieu de certains acteurs, bon, voilà, voilà. Mais non, dans l'ensemble, j'ai rien à redire dessus, c'est purement personnel. Bah écoute, je comprends, mais vraiment, voyez The Crow, c'est vraiment un très très très grand film, et je trouve ça tellement dommage de voir que le réel de ce film s'est perdu de cette façon après. Vraiment, parce que pour moi, démarrer entre guillemets ta carrière, parce que oui, le premier compte pas, hein, mais démarrer ta carrière par ça, la vache quoi, un coup d'essai qui se transforme en coup de maître. Et alors, c'est du culte, comme tu le dis, dans The Crow, c'est... Bah oui, après, sur le culte, je me demande justement dans quelle mesure est-ce que la mort de l'acteur a pas joué, mais vraiment, Brandon Lee, dans ce film, il porte le film sur ses épaules, quoi. C'est le personnage. Et après, le fait qu'on l'ait pas revu ailleurs doit jouer là-dedans. Mais c'est vraiment un très, très, très, très, très grand personnage. Et... je peux pas m'empêcher de me dire qu'il aurait pu avoir une carrière, mais de malade mental après. Bah après, à voir, parce que s'il joue toujours le même genre de rôle, si je joue le Joker, bon, voilà, quoi. Non, moi, ça me dérange pas, hein. Non, c'est pas ça, mais je veux dire, non, je m'en doute. Mais bon, on se croit pas. Bah ouais, malheureusement. Alors, je repasse très rapidement sur les suites. Parce que sur les suites de The Crow, donc il y en a eu 3. Il y a eu 3 suites, un téléfilm, une série, bref, il y en a eu plein. Alors la série Stairway to Heaven, la série, pas la musique, j'ai pas pu la voir. C'est avec Mark Dacascos, je crois, qui fait le rôle. J'ai pas pu la regarder par manque de temps. Mais en revanche, j'ai pu voir les films. Et alors, le 2, donc City of Angels, avec Vincent Pérez, j'y arrive, dans le rôle donc dans le rôle principal, c'est comment dire, j'ai appris que le film avait été vraiment charcuté par les Weinstein. Et est-ce que c'est produit par la Miramax, en tout cas le premier, le deuxième aussi. Et pour le coup, le 2, il y a encore ce côté cinéma quand même. C'est-à-dire, on est quand même sur un 13 millions de budget à peu près. Il y a les Deftones dans le film, ça c'est cool. La BO est vachement bien, mais ouais, on est quand même vraiment... Est-ce que tu sais pourquoi c'est pas Proyas? Ils voulaient pas faire de suite? J'ai pas trouvé... En tout cas, j'ai pas trouvé qu'ils l'ont recontacté ou qu'il y ait eu le moindre truc. Donc, vraiment, c'est pas du... J'ai pas trouvé ça du tout. En revanche... ce que j'ai trouvé, c'est qu'à la base, ils voulaient avoir un héros féminin qui devait se passer dans l'Angleterre du 19e siècle. Donc, ouais, c'est... Voilà. Après, donc, ce que je disais, c'est que j'ai vu des fan cuts du film qui augmentent sa durée, parce que là, Le film tel qu'il est, il dure 1h20 et certains fan cuts font monter la durée à 1h40 voire 1h50. Mais ouais, en fait, le problème du 2, c'est vraiment d'être la suite du 1 que je trouve tellement énorme. Et je trouve que le 2, c'est pas mauvais, mais c'est vraiment 15 crans en dessous du 1. Mais je peux pas en dire autant du 3. Alors, sur le 2, je le sauve rapidement, c'est vraiment en comparaison du 3 et 4. Parce que vraiment, le 2, c'est pas bien, quoi. C'est vraiment pas bien. Alors, en revanche, le 3, donc The Crow Salvation, et là, pour le coup, avec donc Kirsten Dunst, pourquoi, dans un petit rôle, mais dans un de ses premiers rôles, et Eric Mabius, bah là, c'est de la merde. C'est juste de la merde. Surtout que ça dure 1h40, c'est très long. C'est très très long et c'est très moche aussi. Et c'est sorti en 2000, donc t'as en plus des effets numériques absolument dégueulasses. Donc vraiment, le 3, c'est atroce. Toujours pas d'Evanescence. Non, toujours pas d'Evanescence, mais je pense qu'ils avaient pas les droits. Donc le 4, et alors putain, déjà dans le 4, alors regardez l'affiche, hein, l'affiche c'est... Tu sais quoi, Melvin, je t'envoie l'affiche à l'instant T, bouge pas, je te l'envoie, je te la mets dans notre... Je la mettrai sur les réseaux. Non mais je te l'envoie dans notre petite conversation, voilà, qu'est-ce que tu l'as reçu? Ouais. Ok, est-ce que tu peux la décrire? Est-ce que le film donne envie? Non. Mais je te laisse la décrire pour expliquer. Vous voyez les affiches moches de maintenant, à la Spider-Man No Way Home, tous ces trucs. Bah, on mettait ça dans les années 2000, avec un Photoshop qui marche pas vraiment dans ces débuts. Et voilà. Avec un filtre rouge. Ouais, c'est un filtre rouge par-dessus. Et puis, par contre, je vois le maquillage de... Edouard Furlong. Ouais. Il va au cirque après, non? Ouais, en fait, pour le coup, dans le 4, donc on a Edouard Furlong, c'est l'acteur de John Connor dans Terminator 2, et qui a eu une ascension instantanée et une chute tout aussi instantanée. Et ouais, le 4, c'est vraiment la misère. On est au niveau de Donnie Darko 2, donc vraiment, c'est juste absolument minable. C'est juste absolument minable. Et donc, t'as terminé sur The Crow ? T'as pas vu le 4 ? Mais si, le 4. Ah si, le 4, je l'ai vu, c'est minable. Ok. Et donc, on va commencer par la musique. On va désormais faire passer la musique en premier pour justement permettre que ce soit plus fluide pour vous, chers auditeurs, plutôt que d'avoir la musique et tout de suite l'abondance du film suivant. Alors, sur la musique, comme j'ai dit, je la trouve absolument magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, c'est très les violons, etc. Hein. Mais vraiment, je trouve que c'est une musique très, très, très, très belle. Toi, Melvin, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la musique, éventuellement? Mais pas plus que toi. C'est vraiment très bon. Ça colle au film. C'est... Non, les vrais... Enfin, pas grand-chose à dire dessus. C'est vraiment super. Donc, on vous diffuse le thème It Can't Rain Forever, composé par Graham Rewell, sorti de la BO de The Crow. Sur la VF du film, Melvin, je te laisse nous en parler. Alors, VF, j'ai choisi donc trois doubleurs, comme je fais à chaque fois. Sur Brandon Lee, on a Renaud Marx, qui est le doubleur de Kenneth Branagh dans certains films, comme Wild Wild West, on en a déjà parlé, et les derniers Clitoraux. Attends, la voix de Kenneth Branagh sur Brandon Lee? Parce que j'avoue que le film, je ne l'ai jamais vu en VF, pour le coup. La voix de Kenneth Branagh sur certains films, ce n'est pas la voix forcément habituelle, ils sont plusieurs dessus. Et donc, par exemple, dans les dernières que le Poirot a mort sur le Nil, les crimes d'Orient Express, c'est cette voix. Et c'est aussi, il a fait quelques Disney, genre Mulan, Cusco, Petite Sirène 2. Oh, les bons, la Petite Sirène 2, cool. C'est des personnages assez mineurs. Mineur, non, il y a Mulan. Non, elle n'a pas fait Mulan, il fait un personnage dans Mulan. Ah, merde, j'avais compris qu'elle avait fait... Ah, merde. On a sur Rochelle Davis, qui joue la petite fille, c'est Ludivine Sagnier, que tu connais peut-être. C'est une actrice française. Pas du tout. Elle a joué dans 8 femmes de Françoise Ozon, c'est la petite fille. Ah, ok, là c'est bon, là je vois. Et donc elle a doublé, elle n'a pas fait beaucoup de doublage, c'est plus une actrice, elle a doublé dans Monstre à Paris par exemple, mais elle a quand même fait Mathilda dans Léon, le personnage de Nathalie Portman. Ça c'est stylé. Ça c'est stylé. Et j'ai regardé meilleur pour la fin, sur Ernie Hudson, on a Med Hondo, qui est quand même le doubleur, vous connaissez pour Eddie Murphy. Ouais, putain, Eddie Murphy dans The Crow à l'aide. Qui est donc l'âne de Shrek, vu que c'est Eddie Murphy. C'est la voix la plus reconnaissable et qui est, et pour le coup, le fait super bien. Enfin, c'est un, quand il double Eddie Murphy, il le fait bien, mais quand il double d'autres personnages, ça fonctionne tout bien aussi. Et la VF du film est plutôt bonne, en, de manière générale. Elle est un peu années 90. Genre, tu sens sur les méchants quand même qu'ils aimaient bien montrer que c'était des méchants, hein, surjouer un peu, tu vois. Mais dans l'ensemble, elle passe très bien. Ok, bah donc déjà super. Et alors, est-ce que je peux démarrer sur ma scène préférée pour que tu me la piques pas ? Oui, vas-y. Parce que ma scène préférée, alors j'ai beaucoup hésité avec la fin ou avec la scène où il joue de la guitare sur son toit. J'espère que c'est pas le même que moi. Hein. Mais ma scène préférée, c'est la scène où il retrouve la petite fille pour la première fois. Et donc pour l'expliquer, la petite fille, il la retrouve et elle manque de se faire écraser. Il la sort de la rue, de la route. Et juste après, la fille, elle insulte le conducteur de la voiture et elle se demande mais quand est-ce qu'il arrêtera de pleuvoir dans la ville. Et à ce moment-là, Eric lui dit ouais, it can't rain all the time. Donc il peut pas pleuvoir tout le temps. Et elle le reconnaît parce que c'est une phrase qu'il lui disait souvent. Et alors pourquoi j'aime cette scène, parce que je la trouve d'une émotion et d'une poésie assez folle, où tu vois lui qui veut lui parler mais qui en même temps est obsédé par sa quête, ne peut pas faire autre chose que se venger, et donc est complètement ne peut pas lui parler, ne peut pas recréer un lien avec elle. Plus tard dans le film, il ira quand même lui reparler et il arrivera à avoir une vraie conversation, on va dire. Mais je trouve que cette scène où la fille comprend que Eric est encore en vie et lui dit juste ça, sans ajouter d'artifice, sans dire trop de choses, je trouve que c'est tout bête, c'est tout simple, mais pour moi ça fonctionne vraiment beaucoup, et à nouveau avec la musique que je trouve absolument superbe en fond. Et toi ? Moi c'est sa résurrection. Vas-y, je te laisse le raconter, mais quand il sort de la tombe ? Alors, quand il sort à la tombe, oui, mais surtout quand il revient chez lui après, avec tous ses flashbacks colorés, rouges. Ouais, rouge. Rouge. Mais tu sens quand même ça. C'est vraiment le début du personnage. Tu sens sa détresse. Tu vois ce qu'il devient. Et pour le coup, t'as pas besoin de paroles, avec que des images. On caractérise super bien le personnage. Et je trouve ça vraiment bien fait et prenant. Et ça met du mystère. Ça donne envie de voir le reste du film, voir ce qui va se passer, parce que c'est très mystérieux. En fait, tu sais pas trop pourquoi il est là. On sait même pas qui c'est, en fait, plus ou moins. Et en une scène, ah, tu sais qui c'est. Tu sais ce qu'il veut, tu sais pourquoi il est là, tu sais ce que c'est son but. Et non, vraiment, je la trouve super d'un point de vue écriture. Bah, non seulement d'un point de vue écriture, mais surtout, même en réalisation, je trouve qu'elle est déchirante, parce que tu vois vraiment que lui rentre chez lui et comprend, quasiment en revivant, tout ce que la femme qu'il aime a pu vivre juste dans ces derniers instants. Et directement à la fin du film, donc un nouvel énorme spoiler, lorsqu'il va tuer le méchant, tu retrouves ça lorsque justement il fait vivre au méchant les 30 heures d'agonie de Shelley. Oui, c'est, tout est en lien, quoi. C'est vraiment il y a un vrai travail là-dessus, c'est super. Ah bah, vraiment pour moi, ce film, c'est un très très très très très bon film. J'adore ce film, je l'aime vraiment vraiment énormément. Et donc, est-ce que tu as, et même pour faire le lien avec ces courts-métrages, justement, on voit pour les courts-métrages, donc ceux qui sont en noir et blanc ou autre, on voit vraiment des plans qui sont très similaires, des façons de filmer, de filmer les personnages notamment, qui tu peux retrouver pas mal de points communs avec ses courts-métrages. Oui, mais ça se voit que c'est son style, en fait. C'est ce qu'il aime faire et ce qu'il a eu envie de faire. Et ça se le sent. Ouais, mais disons, ce qui n'explique pas sa chute. Mais on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, parce qu'avant sa chute, en 94, donc comme le même année ou l'année d'après, il réalise le court-métrage Book of Dreams, Welcome to Cakeland, qui est sélectionné à Cannes pour la compétition à la Palme d'Or du meilleur court-métrage. C'est quand même pas rien. Mm-hmm. Alors, pour le coup, je ne l'ai pas vu, moi. Alors, j'ai pu le voir, et c'est très bien. Non, vraiment, c'est vraiment très très chouette. Donc, c'est le premier de son diptyque, entre guillemets, Book of Dreams. C'est un peu étrange. On retrouve des idées de Spirits of the Air, Gremlins of the Cloud, où tu vois ce côté un peu juste, je pose ma caméra, je filme. Et tu vois ça, mais vraiment, c'est vraiment pas mal comme court-métrage. Vraiment plutôt chouette. Après, j'ai pas forcément grand-chose à vous dire, c'est juste que c'est très bien. Parce qu'en fait, c'est vraiment dans cette vibe un peu goth curieux qu'il y a dans The Crow et Dark City. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'en effet, le fait qu'il soit sélectionné à Cannes fait que justement, bah, The Crow, qui a quand même acquis un énorme statut culte avec le temps, mais à nouveau, toujours avec la mort de son interprète, plus sa sélection à Cannes, on est quand même sur un réalisateur qui commence à être vraiment en vogue et qui justement va arriver à peut-être un des plus gros films mésestimés des années 90. Oui, 98, Dark City. Alors, donc c'est toujours à moi. Ouais, j'ai récupéré les bons films. Alors. Et ben c'est Bibi. Ah mais il faut savoir que donc chers auditeurs, on, les dessous du podcast. Il faut savoir que lorsqu'on fait un podcast, on se répartit les films. C'est-à-dire que généralement, on se dit ok, je veux tel film. Et lorsqu'on a abordé Proyas, c'était, on en a parlé avant le MCU. On en a parlé bien avant le MCU, il me semble. Et moi, j'ai tout de suite dit je veux The Crow. Je t'avais laissé Dark City. Et finalement, on se les re-réparti, j'ai réussi à récupérer The Crow et Dark City. Après, ça va, moi, j'ai le plus scandaleux après. Et donc, Dark City, donc, je dis, sorti en 98, avec cette fois-ci une durée de 95 minutes et 111 en Director's Cut. On va parler de la Director's Cut. Un budget de 27 millions de dollars. Au scénario, on a donc Proyas, on a Lem Dobbs, que je connaissais pas du tout, mais qui a scénarisé À la poursuite du diamant vert. Je sais pas si t'as pu voir ce film. Et bien, comme aurait dit Julien Lepers, je connais, mais c'est non. Ah putain! Vraiment, je pense que tu pourrais aimer. Je pense que c'est vraiment. Oui, c'est de. Zemeckis. C'est ouais, Zemeckis. C'est ça. Donc, oui, de toute façon, on fera un épisode Zemeckis un jour. On pas le choix. Bah, qui a fait une des plus grandes trilogies de tous les temps, n'est-ce pas? Et oui, le Pôle Express, POV. Et Scrooge. Et oui. Bah alors, donc ce scénariste, il a également fait Piégé de Soderbergh, que j'aime bien, et qui a fait The Score de Frank Oz, que je n'ai pas vu, mais qui est sur ma liste. Et également scénarisé par David S. Goyer. Donc, David S. Goyer, ah, c'est Blade 1 et 2. Bah, qui a aussi donc, évidemment scénarisé Man of Steel, The Dark Knight, la trilogie, etc. Et qui a scénarisé The Crow 2, on en parlait, pourquoi pas. Et Ghost Rider 2 aussi, non, ah non. Bah, si, si, non, mais à l'aide. Alors, il l'a scénarisé, hein. Il l'a scénarisé Ghost Rider 2. Ah. Putain, mais quel enfer. Et ensuite, alors à la musique, on a Trevor Jones. Alors, Trevor Jones, très honnêtement, la seule BO que j'écoute régulièrement de lui et que j'aime vraiment beaucoup, c'est Le Dernier des Mohicans. Je trouve que c'est une excellente BO. Mais j'ai vu qu'il avait aussi fait donc Mississippi Burning de Alan Parker, Kiss of Death de Barbet Schroeder et Runaway Train de, alors je sais plus le nom du réal, je vais pas m'amuser à le dire, il a un nom imprononçable, mais voilà. Au décor, on a Patrick Tatopoulos. Est-ce que tu sais qui est Patrick Tatopoulos? Eh oui, parce que j'ai bossé un peu quand même. Je sais que c'est Patrick Tatopoulos. Et alors, qui est donc Patrick Tatopoulos? Déjà, son nom est incroyable. Alors, déjà. Donc, c'est lui qui fait des. Alors, il fait des décors, des effets spéciaux, beaucoup d'effets spéciaux. Et alors, il a un CV de fou furieux, lui aussi. Tu passes de Dracula de Coppola à Godzilla d'Emmerich à Stuart Little, à Van Helsing. C'est vraiment de tout et de rien. Et enfin, je ne sais pas si on peut dire s'il est bon ou pas bon. Parce qu'il est bon, mais il est quand même parfois pas bon, quoi. T'as oublié le meilleur, c'est surtout le chef décorateur de Zack Snyder. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est lui qui aura fait donc la Justice League version Zack Snyder, qui aura fait Batman vs Superman. Alors, et en décor, il a aussi fait 302. Moi, j'aime beaucoup 302. Et Battlefield Earth. Donc, pourquoi pas. Et le prochain Transformers. Pain, à l'aide. Pas vu. On l'a pas vu. Ah, mais non, mais non, mais enfin non, mais les deux derniers, c'était déjà suffisamment dur. Hein. Et donc. Alors, je veux pas teaser, mais on se peut qu'on en parle un jour dans l'année, quoi. Un jour. Et alors, à la photo, donc on a à nouveau Darius Volsky, donc qui était déjà sur The Crow. Et au casting, donc on a Rufus Sewell, qui a joué dans Hold de Shyamalan. Et tu sais que j'ai mis 1000 ans à comprendre que c'était lui, quand tout fut, non mais Rufus Sewell, je l'ai vu quelque part. Je sais pas où je l'ai vu, mais je l'ai vu quelque part. Et alors, je lui cherchais au bout d'un moment, j'ai fait, Hold, c'est lui. Mais avec, du coup, 20 ans de plus, quoi. Ouais, mais Hold, c'était pas son meilleur rôle. Non, mais on s'en rappelle. Enfin, je me rappelle de lui, quoi. Et donc, il a également joué dans Gods of Egypt. Il joue l'architecte. Oh, oui, j'ai bossé. Ensuite, on a William Hurt, donc qui était le général Ross, qui est joué dans le MCU, donc qui est mort il y a quelques temps, qui est mort début mars. On a Kiefer Sutherland, donc qui a joué évidemment Stand By Me, Mirrors, Lost Boys, Melancholia, bref, une bonne carrière. Ouais. Jennifer Connelly, qui a fait récupérer. Kiefer Sutherland, parce que je me pose la question. Alors, il faut que les auteurs soient au courant. Oui, il est de la famille de Donald Sutherland. Oui, c'est son fils. Voilà. Parce oui. Est-ce qu'il y a un lien? Et oui, il y a un lien. Sutherland, c'est pas le nom le plus réputé que j'ai vu. Hein. Parfois, on est surpris. Moi, je préfère dire comme ça, tout le monde est au courant. Tout le monde arrête de se poser la question comme moi à chaque fois que je vois un Sutherland. Voilà. Ils sont bien ensemble. Ensuite, donc Jennifer Connelly, qui a joué dans Requiem for a Dream, Alita Battle Angel et Labyrinthe. Voilà, je me devais de placer Labyrinthe. Proyas a eu l'idée du film pendant le tournage de The Crow. Et après... J'ai pas forcément envie de tout révéler parce que ça touche au twist. Et donc, alors, si je peux dire que le film avait été un énorme échec commercial à sa sortie, enfin énorme. Budget de 27 millions pour recette de 27 millions, donc en déficit par si on compte les budgets de promotion du film, mais un excellent accueil critique. Alors, je vais démarrer par une chose, avant de donner un avis. On vous en supplie, chers auditeurs, voyez la Director's Cut. Vraiment. Oui, pour la petite histoire, je ne connaissais pas du tout Dark City, je n'ai même pas entendu parler jusqu'à toi. Donc quand il fallait le voir, Corentin m'a fait « Par contre, Director's Cut, hein, t'as pas le choix, hein. C'est comme ça. Soit tu fais les deux, soit tu fais Director's Cut. Mais Director's Cut en premier. » Du coup, Director's Cut. Alors, bah, pour la director cut, pour expliquer, donc pour ce qui est de l'histoire, c'est que c'est un homme qui serait... Alors, je propose, on dira notre avis, on ne spoil pas tout de suite le twist. Oui, t'inquiète. C'est un homme qui se réveille dans une salle de bain amnésique. Il a du sang qui saigne du front. Et il est dans une ville où il fait nuit tout le temps et où les gens ne semblent pas comprendre qu'il fait nuit tout le temps. Il y a plein de trucs qui sonnent un peu bizarres. C'est-à-dire que personne ne peut lui expliquer comment aller à un certain endroit, donc Shell Beach, et il est poursuivi par des hommes mystérieux. Je reste très vague parce que c'est compliqué d'en parler sans révéler. Mais donc toi, Melvin, donc toi qui as découvert ce film, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors oui, pour le coup, pure découverte, hein, je connaissais vraiment rien. Et le début m'a pris énormément dedans. C'était ultra mystérieux, j'avais vraiment envie de savoir, c'est le genre de film que j'aime, ce truc un peu... C'est pas scientifique, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, le côté un peu froid, on va dire, froid terre à terre. Ouais, voilà. Et juste après, donc, sans dire ce qui se passe, ça devient un peu plus bizarre. Et alors là, ça m'a un peu moins plu, parce que c'est pas mon truc. Là, pour le coup, je préfère, comme tu dis, quand c'est bien terre à terre, ou le truc style le voyage dans le temps, mais c'est très scientifique, alors que là, ça l'est un peu moins. Mais ça garde quand même ce truc mystérieux, cette envie de savoir ce qui se passe, de tout comprendre, et qui m'a tenu en haleine pendant tout le film. Là où, bah, tu vois, The Crow, ça m'a pas tenu en haleine jusqu'à la fin du film. Si tu voulais voir la fin, mais c'était pas un truc absolu, absolu. Alors que là, je voulais vraiment, ça m'a pris dans le... Pourquoi cet univers ? Voilà, je trouve l'ambiance géniale. Les effets ne se sont pas si mal pour une fois. Ça dépend lesquels, mais... En fait, le film a l'intelligence de vraiment jouer sur un clair-obscur pour justement éviter que ça se voit trop quand ça picote un peu numériquement. Voilà. Et les personnages, pareil, je les trouve super bien écrits, jouent super bien. Et non, franchement, c'est une découverte et un super film. Juste, je passe un peu à côté de ce côté plus bizarre dont on parlera après. Parce que c'est pareil, encore une fois, c'est pas mon truc. Je me retrouve pas dans ce genre d'histoire, mais tout le début est ultra prenant. Et pour voir que justement ce truc bizarre, je m'y fais pas, c'est pas mon truc. Alors, et ben justement, là, je m'y fais et ça me va, ça me dérange pas. Parce qu'on parle de la prédiction plus tard. Là, tout de suite. Spoil pas, mais la prédiction, ça va être un bon morceau aussi. Hein, c'est quand on va en parler, la vache. Et voilà, alors, en fait, une belle découverte. Je peux donner mon avis ? Ben, alors, moi, Dark City, c'est aussi. Comme j'ai dit en intro, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. C'est peut-être un peu moins que The Crow, parce que je trouve pas l'émotion que j'ai dans The Crow. Mais Dark City, ça a vraiment été une sacrée claque, parce que je trouve déjà, tu l'as dit, visuellement, ça déboîte. Les décors sont magnifiques, le produit. À nouveau, c'est littéralement, ça pourrait être la même ville que The Crow, hein, vraiment. C'est le même endroit, une ville bien famée, hein, on devine qu'il y fait bon vivre. Mais vraiment, je trouve que c'est une ville qui est... Waouh, que c'est vraiment Dark City. Bah oui, Dark City, là, c'est vraiment... Le film porte bien son nom. Et à ça, j'ajoute donc la musique qui est très très propre, qui pour le coup est un peu plus ambiance que The Crow, mais vraiment qui est très très très bonne musique. Le casting, donc tu as dit Rufus Sewell, il joue super bien. Kiefer Sutherland, il aime bien jouer les rôles de mecs chelous. Je sais pas... Ouais, il le fait bien. Il fait bien les mecs chelous. Et ouais, vraiment, Dark City, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup et qui, comme tu as dit, tient en haleine. C'est-à-dire que déjà, le twist est impossible à cramer. Enfin, je ne comprends pas comment quelqu'un peut cramer le twist dans le film. Mais. Oui et non, parce que pour moi, je ne trouve pas que ce soit un twist. Parce qu'en fait, il te l'amène petit à petit sans faire une grosse révélation au moment. C'est. Tiens, en fait, on t'a tout mis là et voilà, c'est ça, mes gens. C'est pas, disons que tu peux pas le deviner, mais t'es pas surpris. Non, mais oui, mais c'est ça qui fait justement pour moi l'intelligence d'un film à twist. C'est justement que le twist te sort pas du chapeau et que le twist est quand même suffisamment intelligent, on va dire. Oui, c'est vrai. Et donc si on spoil, commence à spoiler comme des cochons. En fait, on découvre que la ville est donc gérée par des extraterrestres. Qu'elle est en fait dans l'espace sur une station, et je me rends compte que quand je dis ça, ça a vraiment l'air d'une série Z, et qu'en fait le fait qu'il fasse toujours noir, c'est parce qu'il y a toujours l'espace au-dessus d'eux, et les extraterrestres se servent des humains pour essayer de comprendre ce que c'est que l'âme. Et pour... Ça n'a aucun sens, hein, ce que tu racontes. Oui, non, mais c'est... en fait, il faut voir le film pour comprendre. Et ils veulent donc pouvoir ensuite avoir une âme, c'est ça ? J'avoue que c'est un des premiers films que j'ai revu, donc ça fait... C'est un peu bizarre à expliquer, mais en gros, ils veulent comprendre ce que c'est que l'âme pour pouvoir essayer d'en avoir une à leur tour en s'injectant dans l'esprit des êtres humains. On va s'arrêter au fait que les extraterrestres, la ville est gérée par des aliens et que c'est la nuit. Et c'est dessous, du coup, sous la ville. Ouais, sous la ville, alors que depuis le début, on peut penser que c'est dans l'espace. Et donc toi, Melvin, maintenant qu'on a spoilé, que tu peux raconter des détails ou autre, est-ce que tu pourrais essayer de creuser justement ce qui t'a plus accroché ou pas ? Mais alors tout ce... Tu divises en deux choses. Il y a le côté sur la mémoire, parce qu'ils n'ont plus la mémoire, et en fait les extraterrestres, on les appelle comme ça, ils leur injectent des souvenirs. Donc c'est pour ça qu'ils ne se souviennent jamais de ce qui s'est passé la veille, tout ça. Et ouais. Toute la vie change. Elle a changé de physiquement, d'endroit. Et donc en fait, chaque jour est un nouveau jour. Tout ce côté-là, avec le personnage de Kiefer Sutherland, qui joue le docteur, du coup, qui injecte la mémoire, toutes ces révélations sur lui à la fin, qu'il a préparé le personnage principal et tout ça, j'adore. Ça, c'est vraiment un truc. J'ai adoré tout cet arc. L'arc qui m'a laissé un peu de côté, c'est l'extraterrestre qui vole l'âme. Et en fait, tu te rends compte qu'ils sont dans l'espace et qu'à la fin, il y a plein d'eau qui fait des océans et que ça fait une terre plate. J'avoue que il casse un mur, t'as l'espace. Je suis un peu passé à côté. C'est pas la partie qui m'a le plus convaincu. Mais encore une fois, ça m'a pas convaincu parce que c'est comme Donnie Darko, tu vois. Je me retrouve pas dans ce genre d'histoire, mais ça m'a pas non plus choqué au point de me faire ouais, non, c'est trop n'importe quoi, j'aime pas. Genre, ça allait dans le ton du film, ça m'a pas choqué. Et de celui-là, j'aime bien. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce twist de fin, c'est vraiment que tu l'as dit, tout est mis sous les yeux. Et pour une fois, c'est pas un twist complètement pété où ça essaie de juste... Un peu quand même. Bah, non. Il y a l'espace. Oui, mais en soi, c'est cohérent avec le truc des extraterrestres et où. Non, le fait que les gens se rappellent pas, le fait qu'ils captent jamais qu'il fait nuit, qu'à minuit tout le monde s'endort, tu vois, je trouve que justement le fait que toutes les inconnues et les mystères de cette ville sont expliqués par ça, et c'est pas juste à la prédiction, tu vois, parce que prédiction, la fin de prédiction, c'est vraiment balancé comme ça et débrouille-toi. Là, ça cherche quand même à compenser. C'est-à-dire, ça te dit. Mais là, ça te dit. Pourquoi est-ce que toute personne se rappelle ? Parce qu'ils injectent la mémoire. Pourquoi est-ce qu'il fait nuit ? Cette partie, j'aime bien. C'est ce que je t'ai dit, toute cette partie, je la trouve géniale. Ça m'a passionné. Mais, donc vraiment, pour moi, c'est... Dark City, c'est un très bon film, mais vraiment, je vous en supplie, vous voyez la Director's Cut, parce que la cut cinéma, il y a une putain de voix off qui, globalement, te spoil tout le film dans les 5 premières minutes, et surtout qui cut des scènes, et notamment des scènes explicatives de fin. Donc, ce qui est très dommage. Pas besoin d'expliquer à la fin. Ouais, mais du coup, tu, pour moi, tu perds vraiment de l'intérêt au film. Oui, non, c'est clair, parce que pour avoir vu du coup les 10 premières minutes de la queue de cinéma, ouais, c'est vrai que la voix off, elle raconte tout le film. Ouais, mais elle dit pas que c'est des aliens. Elle spoil pas que c'est des aliens, je crois pas. Bon, elle dit que c'est des êtres venus d'ailleurs, ou je sais pas quoi, un vieux truc à la noix comme ça. Ouais, donc littéralement, c'est complètement niqué. Mais vraiment, Dark City, c'est un excellent film. Et surtout, c'est un film que je considère vraiment très intelligent. C'est-à-dire que tu peux y voir une analyse de... Tu connais l'allégorie de la caverne de Platon ? Oui. Voilà, et bah, tu peux complètement y voir une allégorie de la caverne, évidemment. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment très, très, très, très fort. Parce que tu vois vraiment tous les... Le côté humanité prisonnière, t'as un moment qui a. La ville est à un moment décrite comme. Avait été décrite par un critique, dont je n'ai plus le nom en tête, comme un cauchemar d'expressionnisme de. Enfin, alors, que je trouve la bonne formulation. Voilà. Un film noir allemand expressionniste cauchemardesque. Et c'est complètement ça. T'as vraiment des références, que ce soit à Metropolis ou même. Bon, le film a souvent été comparé à Matrix et ça va paraître bizarre, mais j'avoue que je suis pas forcément trop d'accord. À part la mémoire, à la limite, je vois pas vraiment le rapport non plus. Bah, t'as le côté humanité prisonnière, je pense, c'est ça. Alors, on peut comparer à plein d'autres trucs, quoi, dans ce cas-là. On peut comparer à iRobot, hein, si tu veux. Les robots, l'intelligence artificielle, s'emprisonne l'être humain. Oui, après, ouais. En fait, je pense que Dark City est vraiment sorti dans un mouchoir de poche avec Matrix. Oui, c'est pour ça. Donc je pense ça, que oui. Ça a dû jouer. Et pour le coup, Dark City a quand même eu une énorme influence. C'était bon. Et aussi, il a été influencé par des films comme La Cité des Enfants Perdus, Amen, ou Délicatesse Scène. Et il a également une influence énorme sur Inception. Voilà, c'est Christopher Nolan qui dit qu'il s'est inspiré de Dark City. Est-ce que je comprends ça? Pas forcément. Est-ce que je trouve ça cool? Ouais. Bah oui, parce que Inception, c'est quand même pas mal, donc c'est cool que ça puisse inspirer. Après, effectivement, je vois pas trop où est l'inspiration non plus. Mais c'est l'humanité prisonnière de tes rêves. Après, ce qui me rend vraiment triste, c'est que Dark City, personne n'en parle. Vraiment, c'est complètement oublié. Et oui, je le connaissais pas du tout. Bah, il a quand même une bonne fanbase, mais ouais, c'est vraiment... C'est tristement oublié, mais je pense que c'est aussi le fait qu'il soit sorti juste pas loin de Matrix qui fait que ouais. Bah, l'un des deux est devenu un monument de la pop culture, l'autre est pas un truc de niche, mais un peu plus disparu, on va dire. Donc quelque chose à rajouter encore ? Non, que c'est dommage qu'il soit pas connu et que j'invite tout le monde à le regarder. Yes ! Évidemment. Alors, donc sur la... en director's cut, oui. Donc maintenant, sur la BO du film, donc comme je l'ai dit, composée par Trevor Jones. Alors, la BO est vraiment cool. Moins marquante que The Crow, mais c'est vraiment un truc qui s'écoute vraiment bien. Et je vous passe un morceau qui est très long, qui dure à peu près 12 minutes. Donc, on va pas vous mettre les 12 minutes, je ferai une petite sélection. Qui s'appelle You Have the Power. Alors, je vous invite vraiment à l'écouter en entier. Donc, c'est le morceau de fin. Et qui a plusieurs mouvements que je trouve assez cool, donc vraiment écoutez ça, c'est vraiment chouette. On vous diffuse donc You Have the Power par Trevor Jones sur la BO de Dark City. Donc, Melvin, est-ce que tu peux nous parler de la VF de Dark City ? Alors, une VF incroyable. Au niveau des... On a des noms quand même très connus. Sur Rufus Sewell, on a Jean-Philippe Puy-Martin, que tu as forcément déjà entendu parce que c'est la voix habituelle de Tom Hanks et de Tom Cruise. Donc, sur tous les missions possibles à partir du 3, Edge of Tomorrow, La Guerre des Mondes, ou Tom Hanks et Forrest Gump, Seul au Monde, ou Woody dans Toy Story. Et c'est aussi Timon dans Le Roi Lion. Donc vraiment un bon doubleur, quoi. Ok. Sur William Hurt, on a Féodor Atkin, donc qui est son doubleur habituel, qui est aussi la... Ça m'a fait rire, parce que c'est le doubleur habituel de William Hurt. C'est un doubleur plus ou moins habituel de Hugo Weaving, notamment dans Le Seigneur des Anneaux, V for Vendetta, ou dans pour Crâne Rouge du MCU. Et c'est aussi un doubleur, le doubleur récent de Ben Kingsley, comme dans The Walk, Renaissance, ou Le Mandarin dans le MCU. Du coup, bon, William Hurt, ça va être compliqué, mais il faut absolument pas faire un film où tu as le Général Ross, Crâne Rouge et le Mandarin. C'est pas possible, en fait. Parce que sinon, tu as le même doubleur sur les trois. Tu as le même doubleur sur les trois personnages, et ça ne va pas. Et sur Kiefer Sutherland, on a Emmanuel Jacomi, qui paraît qu'il y a un grand nom du doublage. Qui a fait beaucoup de suites Disney. Hein, c'est... Oui, pour les Disney, c'est Tarzan, c'est Dinoco dans Cars, c'est Stoic pour Dragon. Donc pas Disney, mais... Et il a pas fait genre Atlantide 2 aussi ou les trucs comme ça? Possible, il a fait beaucoup de Disney, mais c'est aussi la voix de Pierce Brosnan, notamment dans James Bond, de Forest Whitaker comme dans Premier Contact, ou la voix quasi tout en lui de Denzel Washington. Donc Tarzan, c'est la même voix que Denzel Washington. Moi je trouve ça beau. Pas mal! Donc voilà, un gros casting VF. Et un autre truc sur la VF, parce que ça me fait beaucoup rire. Donc le film est des personnages. C'est Mr. Book, Mr. End, et alors en français, je sais pas comment ça donne en anglais, mais en français c'est incroyable parce que t'as vraiment Monsieur Livre. Oui, en anglais c'est vraiment Mr. Book, Mr. End, et trucs comme ça. Et ben donc en français quand t'écoutes c'est Monsieur Mur, vous savez, je sais pas quoi, c'est l'impression de lire les Monsieur Madame, tu sais, mais en pire parce que c'est des objets, en Monsieur Main, et ça me fait vraiment mourir de rire pendant le film, j'arrivais pas à les prendre au sérieux quand ils disaient Monsieur Mur, Monsieur Livre. Mais quelle putain d'angoisse! C'est beaucoup trop drôle. Voyez le film en director's cut et en VO, du coup. Bah non, en vrai, la VF, elle est bonne. C'est juste, ce petit point qui me fait... Monsieur mais la VF, Livre, c'est... putain. Ouais, Monsieur Livre. Mais après, la VF est super bonne au niveau des voix. Pour le coup, c'est des... ils sont très bons, quoi. Et alors, et sur ta scène préférée du film ? Alors, j'ai choisi la scène de... Alors, j'ai noté scène de combat, mais c'est pas vraiment un combat, mais quand la ville change et que le personnage de Rufus Sewell essaie de fuir les extraterrestres, plus pas vers le, milieu de tiers du film. Oui, oui, et qu'il adapte à chaque fois la ville à ses... Voilà, avec le mur qui est sur un immeuble et il y a l'autre immeuble qui se rapproche et qui va l'écraser. Et en fait, je fais cette scène parce que vous me connaissez maintenant, moi, il faut que ça bouge, que ça soit fun et que c'est l'action. Alors, il y a beaucoup d'action et pour le coup, je trouve les effets spéciaux super. J'adore toujours les trucs morphologiques comme ça. Là, c'est de la morphologie de bâtiment, mais ça fonctionne super bien et je trouve ça très bien fait. Enfin, c'est pas des chorégraphies, mais tout le placement des personnages, les mouvements de caméra, je trouve ça vraiment super. Et voilà. Et un petit mot sur les effets spéciaux. Ils sont bons, sauf la fin. Avec l'effet spécial, j'appelle l'effet Tony Darko. Cette espèce de vague. Ah oui, non mais ça c'est... Génial transparent. Voilà, l'effet Donnie Darko, le retour. Enfin du coup c'était avant, mais... Bah oui, mais c'est à peu près à la même période, donc tu peux comprendre. Alors moi, ma scène préférée, c'est la toute fin. Donc bah, nous, voilà. Lorsque tu découvres que la ville est sur la station, voilà, il y a un personnage qui part dans l'espace et tu découvres du coup toute l'architecture de la station. Et après, donc plus loin, le personnage va faire une rotation à la station pour qu'elle puisse se tourner vers une étoile et ainsi revoir la lumière pour la première fois depuis longtemps. Et je trouve ça assez, je trouve que c'est vraiment très très impressionnant à voir et ça. Pas trop vieilli sur les effets spéciaux. Donc vraiment, c'est vraiment c'est cool à voir. Il va vraiment à Shell Beach. C'est une belle scène quand il va à Shell Beach. Oui, oui, justement, et qu'il retrouve son passé. C'est vraiment très... Bon, mais un putain de film. Donc vraiment, ces deux films-là, c'est vraiment assez dingue. Et du coup, on s'arrête là, je propose. Ça marche. On va passer à mon petit coup de cœur. Bah, sinon, on peut s'arrêter sur la filmo parce que toute la suite, c'est... Une lente et douloureuse agonie. C'est vrai qu'on tombe de plus en plus bas. Non, ça va être en escalier à partir de là, mais bon, vas-y, je te laisse parler de ton chouchou et de ton passif, parce qu'il faut raconter aux auditeurs la vérité sur ce film. Donc en 2002, 4 ans après, sort Garage Days. Get $1,200. Tam, what about your parents? Here's to bleeding your parents dry. I envy you musicians. No cares. No money worries. No money. Meet Melly. I will not let her out of my sight, ever. Mama! This is all I've ever wanted, to be up on stage and have everyone loving my music as much as I do. Before a feast, there must be famine. One phone call, one gig, can change your whole life. What if you finally got your big break? That's what it's all about, man. We're gonna remember this night forever. Stop. And you just plain sucked. All right, we're gonna take a break, so everybody leave. Me, a rock star? Days. True or false? Precognition is the ability to see into the future. What, like me and you going out on a date or something? Dream on. La Garage Days, donc c'est un film écrit par Proyas. Donc c'est vraiment pour, c'est rare qu'il soit écrit par lui. Alors là, c'est écrit par lui. Alors, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal, on tient à préciser. Mais il est sur Disney+. C'est bien qu'il est produit par la Fox. Donc, quand même. Donc, c'est écrit par Proyas, Dave Varner, qui est un écrivain, et Michael Udesky, qui est un compositeur. Donc, quand même, il y a du level, quoi. Alors, il n'y a pas grand-chose à... C'est un film qui est très inaperçu, donc il n'y a pas énormément d'infos sur la fiche technique. À la musique, c'est un film musical. Je tire le résumé maintenant, ce sera plus simple. En fait, on suit un groupe de rock un peu raté qui essaye de voir la gloire et donc et ce qui se passe entre les membres. Et, voilà, l'histoire d'un groupe de rock. Voilà, ça ne va jamais plus loin que ça, en fait. Et précisons, d'un groupe de rock de merde, hein, c'est précisant. Oui, un groupe de... Oui. Ils sont pas très bons. Bah, ils font une espèce de stoner punk léger. C'est pas. Ouais, on est un peu sur du bon, pop punk fin 90, quoi. Voilà. Et alors, à la photo, on a Simon Duggan, qu'on retrouvera sur iRobot. Alors, lui, il a un CV de fou furieux. Il a fait Gatsby le Magnifique, 302, Une Tueur à Point. Et alors, attention. La Momie 3, Die Hard 4, que je pense que s'il a besoin d'argent, il y va, tu vois. Ouais, je pense que il fait dans la thune. Voilà. Et au casting, on a Riggery, Pia Miranda, Maya Stange ou Russell Dykstra. Et si ces noms ne vous disent rien, encore une fois, c'est tout à fait normal parce qu'on ne les a jamais vus ailleurs. Si Riggery, il a eu des petits rôles. Ouais. Voilà. Et c'est un film que j'adore. Oh, je l'avais vu en pur hasard, c'était sur Disney+. Comme d'hab, tu sais, tu cherches un film, t'as 1000 films à voir, mais t'en cherches quand même un au cas où. Et tu tombes sur le film que personne ne connaît, mais tu dis, hé, si je regardais ça. Et j'ai regardé, et c'était vraiment un pur moment de plaisir. Je vois les défauts, il y en a des milliers. Mais je sais pas, c'est ultra décomplexé, c'est fun, et c'est détendant en fait. Et quand j'ai ce film, je rigole et je me détends, et j'adore ça. Tout simplement. Alors, que dire? Moi, j'ai un problème avec le film, tu l'as pas dit, c'est qu'il dure quand même 1h45. C'est vrai. Et c'est très long, 1h45. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont très très drôles, vraiment. Je pense à la scène où ils doivent récupérer de l'argent pour faire une démo, et du coup, t'en as un qui se retrouve à être déguisé en... C'est quoi déjà, en koala? Ouais, un koala pour l'association des koalas. L'association de défense des koalas, t'en as un qui veut aller vendre du crack à des jeunes lors d'un concert, t'en as un qui va poser nu, et elle, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Elle fait le téléphone... Elle fait du téléphone rose. Et en fait, donc, et au final, on découvre que donc celui qui se déguise en koala, il se retrouve à se friter avec un vrai défenseur de la Ligue des Koalas qui lui dit qu'il n'a pas le bon costume. Celui qui vend du crack, il provoque une overdose générale. Celui qui pose nu, on va dire qu'il a un problème technique. Et celle qui fait du téléphone rose, elle se retrouve à insulter... Insulter le client. Ça me rend triste, j'ai pas grand chose à dire parce qu'en fait vraiment je ne comprends pas ce film, c'est à dire que il y a des scènes super drôles. Par contre il y a un truc qui m'a cassé les yeux dedans et vraiment j'en pouvais plus, c'est le filtre. Il y a une espèce de filtre vert moche, c'est un peu le clip de It's My Life de Bon Jovi, tu vois, c'est vrai. Et c'est ou, ça le truc pour ne pas voler des DVD parce que piratage c'est mal. Ah oui, bah ouais, voilà, c'est ça, en fait, on aurait dit une version longue de la photo de cette bande-annonce, et voilà, les acteurs jouent pas tous très bien, et par pas tous, je veux dire que, en fait, il y en a aucun qui semble être dans le même film qu'un autre. Si, moi j'aime beaucoup le batteur. Ah oui, celui avec sa mèche, là? Ouais, bah celui qui deal de la drogue. Il me fait mourir de rire pendant tout le film. Ah oui, mais ils sont drôles, mais il est complètement over the top. Oui, mais est-ce que c'est pas ça qui donne un peu son charme au film? C'est la déconnade de bout en bout, quoi. Ouais, pour le coup, le film, il est censé avoir 20 ans, mais j'ai l'impression que le film, il en avait 40, tu vois, genre, il aurait pu sortir, ouais, à nouveau, c'est un truc, il date de 2002, on dirait un truc qui date de 90. C'est ça qui me... C'est pas forcément un défaut à proprement parler, mais la vache, quoi, c'est... Waouh ! Ça fait un peu bizarre. Et... Ouais, en fait, j'avoue que je comprends pas d'où sort ce film, en fait. Genre, il fait ça entre Dark City et iRobot. Et comme je disais, il l'écrit lui. Alors oui, que donc, les autres, donc... ils écrivent pas lui. Si, si, Dark City, c'est lui. Dark City, c'est lui. Ouais, mais je veux dire, Dark City, après, tout ce d'après, c'est pas lui. Et The Crow, c'était... The Crow, c'était pas lui. The Crow, c'était pas lui. C'est pas lui. Et alors, par contre, ça, il l'écrit lui. Faut croire qu'il voulait mettre la main à la pâte. Ouais. Et ouais, en fait, je pense que c'est vraiment un film à voir dans des conditions de stoner. Non, mais ça, tu veux te détendre, tu regardes ça. Ouais. Moi, je me serais détendu s'il durait 1h20. Tu vois, là, 1h40, il y a vraiment des moments où je me disais, putain... Mais en fait, j'arrive pas à le détester, je peux pas lui reprocher quelque chose. Mais pour moi, c'est vraiment une sortie de route. Parce, enfin, genre, la photo est vraiment pas très belle. En fait, donc, est-ce que c'est un bon film? Je sais pas. Mais c'est très inoffensif. Donc vraiment, là, pour le coup, c'est... Mais c'est le stéréotype du film plaisir coupable, en fait. Ah ouais. En vrai, t'aimes bien, mais tu vas pas le recommander aux autres parce que bon... C'est un peu sale, tu vois, tu vas pas forcément le regarder. Donc, quelqu'un te demande « Ah, t'es cinéphile, t'aimes quoi ?» C'est pas le premier truc que tu lui sors. Non, tu vas pas lui sortir Garage Days. Mais ça empêche que voilà, moi, je passe un super moment devant. Et je trouve qu'il y a des idées de réalisation, mais ça, c'est personnel à fond. C'est une réaction que j'adore, en fait. Ultra dynamique, avec des incrustations de partout. Et très putassière. Ouais, bah moi, j'adore ça. Non, en fait, moi, ce que je lui reproche, justement, c'est qu'il a ce côté très clip. Et pour le coup, la BO du film, bah, est-ce que je pourrais passer un extrait ou pas? Je sais pas, hein, ça dépendra de nos amis les droits d'auteur. Mais pour le coup, c'est un clip de 1h40 dopé à la musique des années 90. Alors moi, c'est pas pour me déplaire, je suis très typé rock et metal, mais à la fin, j'en pouvais plus. Il n'y a pas une seconde sans musique d'un groupe connu, donc c'est sympa, mais c'est tout le temps des extraits de quelques secondes ou autres. Donc vraiment, au bout d'un moment, bah, t'en peux plus, en fait. Tu te dis juste, mais stop, pause, arrête la musique, pause. Et pour le coup, après, il y a du The Cure, il me semble qu'il y a encore du Nine Inch Nails. Il y a Supergrass. Il y a Supergrass, ouais. Donc vraiment, c'est pour le coup, la musique du film... Et je trouve ça étonnant de la part d'un film qui est basé sur la musique, mais la musique du film, au bout d'un moment, c'est... Ah, c'est énervant. Après, le film n'est jamais... sorti, en tout cas je l'ai jamais vu en DVD. Je crois qu'il existe, mais pas convaincu en France. Ça fait c'est bien, déjà. Il n'est jamais sorti ailleurs que de l'Australie, d'ailleurs, je crois. C'est vraiment. C'est pas plus mal. Il a une VF. Il a une VF. J'ai pas les noms. J'ai pas réussi à les trouver. J'ai cherché pendant longtemps, mais si tu vas sur Disney Plus, tu peux. Enfin, moi, je l'ai vu en VF. Tu peux le voir en VF. La VF est bien. Alors. Sur le batteur, ça passe, parce que je crois que le doubleur est connu. Sur les autres, non, c'est très mauvais, la VF. T'as l'impression que c'est doublé, mais tu sais, elle a un téléfilm. Aïe. Mais elle existe. Elle existe. Ça rajoute du charme encore plus, tu vois. Tous les acteurs jouent mal, mais si tu les doubles mal, c'est encore mieux. Oh mon Dieu, à l'aide. Donc, ouais, pour le coup, VF, on n'a pas grand-chose à dire. J'avoue que j'ai à nouveau pas forcément beaucoup de choses sur le film. C'est vraiment, enfin, donc, c'est pas bien. Je peux pas dire que c'est bien. C'est très con. Genre, il y a le personnage qui se balade avec son bébé melon pendant tout le film. C'est incroyable. Mais tout, c'est incroyable. Je suis désolé, je défendrai ce film jusqu'à ma mort. Je le trouve incroyable. Ah, mais va donc mourir sur une colline, hein, mais c'est... De toute façon, on fera le classement à la fin et tu vas mourir. Oh non. Ah bah si. Ah j'ai très peur. Et pour le coup c'est vraiment, enfin au moins il a l'avantage d'être inoffensif et de juste être un peu hystérique, quand même un peu trop hystérique. Mais à part ça, ouais, il existe et voilà. Oui, personnellement il symbolise vraiment, en fait, si je l'aime autant c'est parce qu'il symbolise tout ce que j'aime dans le cinéma. On me sort pas. Ah oh la vache, tu vas pas. En fait, c'est plutôt dans le sens. Tout ce que j'aime dans le cinéma se retrouve un peu dans ce film. Comme je te dis, la réalisation, les musiques. Et je vais comparer ça à Kingsman. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Aïe. Wow, c'est quand même pas le niveau, au même niveau. Kingsman, c'est quand même dans mon top 3 de mes films préférés de tout ce que j'ai vu. Et ça pose le genre. Et à partir de là, on peut comprendre que j'aime ce film. Oui, évidemment, mais en fait, disons que j'ai envie de dire, certains films, certaines personnes, leur film préféré, c'est Il était une fois en Amérique, d'autres, c'est je sais pas, Cold Fish, Le Sonotion. Tout... Bah écoute, il y en a, c'est Garage Days finalement. Ouais, top. Devant Retour au futur, The Big Lebowski, quoi. Donc, bah, sur la BO, je verrai. Je mettrai peut-être un extrait du morceau de The Cure qui est dedans, donc je verrai. Mais est-ce que tu peux nous parler de la scène, la scène qui m'a fait vriller sur le film et m'a fait me dire, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la meilleure scène du film. Alors, en gros, ils ont besoin d'argent. Le groupe a besoin d'argent. C'est tout le truc du film. Et la fille a des parents. La fille fait des études. Il y a une fille dans le groupe, la bassiste. Et des parents assez aisés. Donc ils se disent, ouais, on a qu'à aller chez tes parents, on leur demande de l'argent, et puis voilà, sauf que ses parents, ils sont très coincés. Et donc ils y vont, évidemment les parents ultra coincés, ils comprennent pas trop ce que c'est la musique et tout ça, à part musique classique et tout. Sauf que le batteur donne de la drogue à tout le monde. Je sais plus ce que c'est, non, un truc de l'extra. C'est du complètement du LSD. Voilà, qui est comme de LSD. À la base, il doit leur refiler. Il doit leur refiler autre chose, mais finalement, il inverse les deux et il leur file du LSD. Ouais, donc ils sont tous en train de délirer. Il y en a un qui commence à voir les têtes s'enflammer. Enfin, ils sont tous complètement perchés. Et alors, il y a la fille. Pour un, il ne se passe rien avec la fille, normal. Elle voit ses parents, c'est pas qu'on sait lui faire ouais. Ce que tu fais, c'est nul, je sais pas quoi, jamais on donne de l'argent, concentre-toi sur les études. Et pouf, d'un coup, le père se lève et chante, et danse surtout, sur Super Freak de Rick James. Et après, la mère se me dit, ça sort de nulle part. C'est incroyable. Tout le film est comme ça, il y a pas mal de blagues qui sortent de nulle part. C'est qu'à un moment, il y a le manager qui fait, le chanteur fait, mais toi, t'écoutes quoi comme musique? Il lui fait oh, un peu de tout. Ça bascule sur lui qui danse sur son lit, c'est incroyable aussi. Bah, ça et le gag absolument salace du mec qui arrive chez le manager pour proposer sa démo et le manager est on va dire occupé avec une charmante jeune femme sous le bureau et du coup le manager dit des choses que l'autre prend pour lui, enfin bref, c'est complètement nawak. Oui, ouais, pour revenir à la scène, donc ils se mettent à danser sur Rick James, ça part en n'importe quoi, enfin, une hallucination totale. Mais ce que je trouve est génial, et c'est l'humour que j'adore, c'est l'humour imprévisible comme ça, c'est que les parents sont ultra coincés et ils se mettent à danser là-dessus. Je ne m'en lasse pas du tout. Ça me fait énormément rire. Tu t'y attends pas. C'est bien filmé, c'est bien chorégraphié. Et voilà. Si tu veux en dire un peu plus. Moi, sur ta scène, j'avoue que ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est pas tant les parents qui dansent sur la musique qu'à chaque fois les contre-champs sur la tête de la fille qui est complètement hallucinée. Et tu vois vraiment qui est genre... Ça, pour le coup, c'est très, très drôle. Moi, ma scène préférée, j'en ai déjà parlé, c'est quand ils cherchent tous à récupérer de l'argent. Ou... En fait, le film m'avait à moitié épuisé, j'avoue, avant. Enfin, épuisé, non, mais... Je commençais à voir le genre, on va dire. Et... La scène où ils vont récupérer de l'argent et que le mec en tenue de koala se met à danser sur la route pour récupérer de l'argent, ça m'a eu. Mais ouais, en fait, tout ce que je trouve drôle, c'est que je ne m'explique pas ce film en fait. Je ne comprends pas son existence. Au fond, t'aimes bien. Bah, je peux pas le détester, c'est complètement inoffensif et la BO me parle, mais en fait, je pense que c'est un film, tiens, je reverrai quelques extraits, mais je ne le reverrai pas. Et en revanche, si vous avez vu Little Miss Sunshine, la scène dont on parle où les parents dansent, c'est obligatoirement une influence pour les réalisateurs de Little Miss Sunshine. Il y a un air. Oh, c'est littéralement la même musique, même choré un peu gênante, on va dire. Ouais, donc voilà, ça existe. Ouais, c'est génial. Et ton classement de fin, j'en ai peur. T'as raison. Oh putain, vas-y, rassure-moi encore un peu pour voir. Et donc, je te laisse nous expliquer la suite. 2 ans après, arrive son, je vais pas dire son premier succès, mais son premier film qui sera vraiment, pour le coup, que je connaissais et qui se fera connaître du grand public. Ouais, qui l'aura remis sur le devant de la scène, oui, voilà. Voilà. iRobot. Nous leur confions nos maisons, notre mode de vie, notre monde. Mais avons-nous raison de leur faire confiance? La sortie de la nouvelle génération de robots USR, le NS5, a été perturbée par la mort du concepteur Alfred Lanny. Identifiez-vous. Le meurtre, c'est une première. Félicitations. Je ne l'ai pas assassiné. M'expliquer pourquoi tu te cachais sur le lieu du crime. Je ne l'ai pas assassiné. Un robot ne peut pas faire de mal à un être humain. C'est la loi numéro 1 de la robotique. Oui, je sais. Les trois lois. Le cercle parfait de la protection. Mes robots ne peuvent pas faire ça. Ils ne tuent pas d'humains. Dans le fond, je crois que vous n'aimez tout simplement pas cette espèce. Dis-moi combien de robots ont déjà commis un crime. Combien de robots au monde? Aucun. Il n'y a jamais eu de conspiration. Ce n'est qu'une faute. Une faute isolée. Le problème est encore plus grave que ce qu'on pensait. Nous demandons à la population de ne pas sortir. La même information nous parvient du monde entier. C'est bon. Chef, les gens appellent pour dire que leurs robots vont. C'est pas vrai. Oh non. Et tu tires. Quoi ? iRobot. Donc iRobot, c'est donc par la Proya, c'est un scénario de Jeff Vintar et de Akiva Goldsman. Donc pour l'histoire, pour passer l'histoire du scénario tout de suite, ça raconte iRobot, ça suit un policier. Je crois qu'il est policier, qui enquête sur un meurtre et qui serait orchestré par un robot. Sauf que si vous vous intéressez un peu à la science-fiction, les robots sont régis par trois lois. Je ne tue pas mon créateur, j'obéis aux ordres de mon créateur, sauf si ça va à l'encontre de la première loi. Et la dernière loi, c'est un robot doit toujours obéir, un être humain, un robot doit protéger un être humain et un robot doit protéger sa propre existence. Et en gros, c'est doit protéger un humain, doit obéir à un être humain sauf si ça contredit la première loi, doit protéger son existence sauf si ça contredit la première et la deuxième, les trois lois de la robotique. En conclusion, ils peuvent pas faire de meurtre, quoi. Et sauf que là, il y a un meurtre, ça part en orchestré sur un robot et ça devient une enquête film d'action là-dessus. Donc c'est pour revenir à l'histoire du scénario, c'est inspiré de nouvelles et de du roman Les robots de Isaac Asimov, qui a fondé les trois lois de la robotique. Le scénario a été fait par Jeff Vintar, comme je viens de le dire, à l'origine. C'est lui qui l'avait créé tout seul, tu sais, pas pour un studio, quoi. Il a voulu faire ça, il l'avait créé comme ça. Mm-hmm. Ça devait être développé par Disney et réalisé par Bryan Singer. Et ça devait être un film, un thriller, en fait, sur les trois de la robotique. Donc vraiment un thriller pur et dur, un film d'enquête, un film à mystère. Mais ça a été finalement abandonné, c'était repris par la Fox, la Proya s'était engagée. Et alors là, c'est très marrant parce que Vintar a été renvoyé. Ils ont engagé Lawrence Conner et Mark Rosenthal, donc qui ont fait pas grand-chose à part La planète des singes de Burton, c'est pour dire leur talent. Aïe. Ils ont été engagés, ils ont finalement été aussi renvoyés. La Vintar a été réengagée. Ils ont engagé une script doctor, mais qui est finalement partie parce que ça allait pas. Et ils ont engagé Goldsman, Akiva Goldsman. Et c'est devenu un blockbuster d'action. Ah, et Akiva Goldsman, tu ne sais pas encore qui c'est. Mais c'est le gars qui a scénarisé Je suis une légende, le Da Vinci Code et les Batman et Robin et Batman Forever. Donc c'est pareil, tu vois. Bonne grosse ordure en termes de scénario, finalement. Voilà, voilà. À la photo, on a Simon Degan, dont j'ai parlé juste avant, je ne vais pas m'étendre dessus. Au décor, on a Tatopoulos, qui revient, après Dark City. Et à la musique, on a Marco Beltrami, donc là, on avait déjà parlé, parce que c'est Scream. Oui. Entre autres. Et à l'origine, la musique, ça devait être Trevor Jones, celui qui avait fait Dark City. Et finalement, qui n'a pas fini, et Beltrami a dû finir la BO en 17 jours, donc très rapidement. Et putain, le film, c'est un monstre de Frankenstein. Quoi, c'est... Ah, c'est pas fini. Parce que le tournage a été très compliqué, à cause notamment du désaccord entre Proyas et le président de la Fox. C'était vraiment une horreur. La script doctor qui est engagée et renvoyée, elle a dit que c'était insupportable de travailler sur ce film. Et il y a de gros soucis en fait entre ceux qui faisaient le film et les producteurs, la Fox notamment. Au casting, on a Will Smith, je ne présente pas. On a Alan Tudyk dans le rôle de Sony, le robot. On a Bridget Moynahan, pour le coup, je ne me rappelle pas du tout de elle. Je ne sais même plus dans quoi elle a joué. Je ne connais pas cette personne. Ah, si elle joue dans John Wick, ok. Et on a Shia LaBeouf. Dans un pareil. Tout petit rôle. Ouais, mais je ne me rappelle plus du tout qui était là-dedans. Et il est là-dedans, incroyable. Et voilà, voilà, on a un budget beaucoup plus conséquent que ses films d'avant. Alors, pour titre d'exemple, on ne l'a pas dit, mais Garagé, c'était 7 millions. Là, on passe à 120 millions. Donc, Stonks. Voilà. Et il rapportera d'ailleurs beaucoup, parce qu'il fera un box-office de 353 millions. Et sera nominé aux Oscars pour les effets spéciaux. C'est quand même un peu l'hôpital, juste la charité. Hein. Les effets spéciaux. Tu vois, pour le coup, je sais plus, il me semble que c'est dans le podcast Discordia que l'un des intervenants disait que à partir de 2005, les films, en fait, ils vieillissent, mais en année de chien. Tu sais, genre la première année, ils prennent 14 ans, après, voilà. Là, le film, donc, tu sais, genre Garage Days, il avait 20 ans. Là, le film, il a 18 ans, mais ressenti, c'est 50, quoi. Vraiment, c'est très... Mais on va en parler, je ne révèle pas tout. Et ouais, alors moi, c'est un film, en fait, d'enfance que j'ai vu. C'était un oncle de mon père, je l'ai vu là-bas. Il traînait en DVD, à chaque fois, j'y allais, je voulais le voir. Je l'ai enfin vu. Pour te dire, j'ai vu deux films là-bas. Ça et La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Oh, belle collection de DVD. J'imagine, c'est le gars, il a deux DVD, mais dans toutes les éditions possibles. Il les en, il les en 40 exemplaires. Non, ouais, je l'ai vu là, c'est un film d'enfance que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Parce que tu vois, la science-fiction, c'est un domaine que j'aime beaucoup, surtout quand j'étais petit. Donc des robots et une affaire d'enquête. Ça m'a vraiment convaincu. Mm-hmm. Maintenant, avec du recul, j'aime quand même. Hein. C'est un film que j'aime quand même. Mais. Mais c'est pas incroyable, quoi. Il a salement vieilli. Il a énormément vieilli. C'est dommage. Parce que je trouve qu'il y a des idées par-ci par-là. Si ça avait été bien fait, je trouve super. Il y a des idées de mise en scène, pas de mise en scène, de, tu vois, dans les robots, dans le scénario, c'est des idées par-ci par-là qui sont super, mais c'est pas très beau, quoi. Et pour comparer un film, ça doit être plus ou moins la même époque avec Minority Report, qui a aussi mal vieilli, je trouve, mais beaucoup moins. Bah, Minority Report, pour le coup, est plus économe, on va dire, sur ses moyens ou sur ce qu'il veut montrer. Voilà. Pour ça, alors moi, iRobot, j'avoue que c'est un film, je l'avais vu une fois, mais très très jeune, il était passé à la télé, et je m'en étais royalement battu les couilles, c'est-à-dire que je l'avais complètement oublié, je me rappelais l'avoir vu, et alors la première, donc là, quand je l'ai revu, et la vache, on parlait de, tu sais, on parle de Vallée de l'étrange, lorsqu'un truc ressemble à un être humain, mais pas assez, et que du coup, il passe de, je ressemble à peu près à un être humain, à monstre atroce, et là, les robots, mais quelle horreur, enfin, je peux comprendre qu'à l'époque, ça avait ce côté très impressionnant et tout ça. Mais là, aujourd'hui, on dirait juste des bébés morts. C'est très perturbant. Des robots qui ont été faits pour Sony. Les robots, en général, non, mais Sony est fait en motion capture, du coup. Ouais, c'est pour, ce que c'est. Pour les auditeurs, c'est comme Avatar, par exemple. On filme l'acteur avec des capteurs. Et après, on le fait en post-production, la capture de mouvement. Et comme ça, on garde plus ou moins son visage. Et c'est censé faire plus réaliste. Ouais, mais pour le coup, vraiment, iRobot, je dois admettre que surtout un truc que je me suis dit, c'est que Will Smith, moi je l'aime bien, j'ai rien contre lui, mais c'est pas le meilleur acteur, et là, son personnage, c'est pas très intéressant. La caméra s'affole un peu parfois dans les moments de baston, mais toutes les bonnes idées de baston sont piquées à d'autres films, et notamment à Azumi de Ryuhei Kitamura, qui était sorti un ou deux ans avant. Par exemple, tu sais, le baston avec Sony, enfin pas avec Sony, mais avec un des robots méchants, avec le plan circulaire autour des deux personnages. Ouais, je vois. Bah, ce plan-là est piqué sur Azumi. Et tu vois ça, tu fais un petit peu, ouais, bon, bah, dommage, quoi. Donc, ouais, vraiment, iRobot, je dois admettre, est-ce que c'est mieux que Garage Days? Je sais pas. Non. Mais c'est dommage parce que. Il y avait vraiment moyen. Comme je disais dans l'origine, de base, c'était un film, un thriller, en fait. Vraiment un film d'enquête, et je trouve que l'avoir transformé en film d'action, tu perds tout le charme que ça aurait pu avoir. Parce qu'un vrai film d'enquête avec les lois robotiques, ça aurait pu être absolument génial. Bah, honnêtement, là, le problème, c'est que c'est un film d'action, ni plus ni moins, quoi. Bah, le film démarre sur ça, et je me suis dit, waouh, ouais, trop cool, franchement, ça va être stylé. Allez, on y va, on est parti, ça va être sympa. Et. Bah, non, en fait. Il y a des scènes d'action mises au forceps. Pas mal filmé, mais c'est un peu triste. Et surtout, la fin, et alors ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, avec quand même 120 millions de budget, mais ça m'a paru super cheap. C'est-à-dire que, tu sais, genre, bah, t'as 30... Comment ? T'as l'air, hein. Enfin, Bah, je sais pas, t'as 30-40 personnes dans la rue contre 20-30 robots. Tu dis, waouh, toute la population de la ville est là ? Bah, putain. Et c'est vraiment ce côté film d'action que je trouve dommage. Et même le personnage de Will Smith qui est... Tu sais, le fait que ce soit un cyborg, où, il a un truc en métal dans le bras, bah, en fait, c'est jamais exploré, c'est jamais creusé, on n'en fait rien. Parce que je me rappelais quand j'ai vu, j'ai fait ouais, je crois qu'il y avait un twist sur je sais pas quoi, qui est un bras robotique. C'est même pas un twist. Mais non, justement, ça c'est mon souvenir quand j'étais petit. Et en voyant le film, je t'ai dit, mais qu'il ait un bras robotique, ça change quoi? Ça change rien en fait. Et ça sert à rien. C'est plein de petits trucs comme ça qui sont amenés, mais qui servent à rien. Et des personnages, le personnage de Bruce Greenwood, je crois, son perso, c'est, qui est le pseudo méchant, il sert à rien non plus quoi. Après, le film a eu le mérite, on va dire, de remettre Proyas quand même sur le devant de la scène. C'est-à-dire que c'est 120 millions, mais c'est quand même 350 millions au box-office. Et il y a eu pas mal de projets de suite. Pourquoi pas ? Même si, vu la fin... C'est pas mal comme film, après. Je vais pas dire que c'est nul, encore. Enfin, moi, j'aime quand même. Bah, la suite devait se faire dans l'espace. Je tiens juste à dire, ça m'aurait fait marrer. Non, en fait, non. Non, mais... Et en fait, enfin... Non, c'est pas nul, mais c'est juste... Ça aurait pu être dingue. Et au final, c'est juste, ça existe. C'est cool, attends, hein, voilà. Je viens de capter un truc. Donc, la suite d'Aerobot dans l'espace. Dark City, ça finit dans l'espace. Prédiction, ça finit plus ou moins dans l'espace. En fait, il y a un peu une constante chez Proyas. Il y a un Proyasverse. Voilà, tout se passe, tout finit dans l'espace, en fait. Après Aerobot, je me dis, c'est pas mauvais. Ah oui, aussi un autre défaut. Le film dure quasiment 2 heures et à nouveau, bah, 2 heures quand ton pitch de base tu le transformes en un actionneur bourrin, c'est un peu long quand même. Un peu moins, il dure 1h55. Ah, moi j'avais moins, j'avais 1h40 et quelques. Je suis sur la. Dans tout cas, je l'ai trouvé un peu long. Mais en fait, c'est pas nul, mais c'est juste. Le film est là et je sais pas trop quoi en penser. Il a vraiment le côté vallée dérangeante avec les robots qui est très très très bizarre. Vraiment, c'est dur à voir et surtout, je trouve ça. Enfin, c'est triste de se dire que The Crow et Dark City, c'est ancré dans les années 90, mais ça reste vraiment suffisamment bien fait pour être regardable aujourd'hui. Là, le film date de 2004 et en 2004, pour un truc sorti en 2004, il ressemble à un truc sorti en 90 aussi, tu vois. C'est vraiment de la science-fiction, mais ça aurait pu être un très très haut niveau, et au final, pas du tout. Non, et c'est dommage, quoi. En fait, c'est, je dis ça pour certains films, mais c'est dommage, parce qu'on aurait pu avoir un film de mystère, un film mieux fait, tout ça, et ça se perd dans son action. Et c'est rare que je dise ça, mais ça se perd dans son action. Bah, surtout, tout le potentiel de base qu'on aurait pu avoir avec... justement, les trois lois de la robotique, c'est jamais abordé. C'est juste au début, genre, ah, le robot a tué quelqu'un. Ah oui, mais il ne peut pas tuer quelqu'un. Ok, voilà. Après, pour moi, c'est vraiment un film hybride, c'est-à-dire que l'univers est super cool, mais il y a beaucoup d'esbrouf en termes de réalisation. C'est genre, il te fait des trucs un peu stylés, mais ça marche pas. Le scénar, comme je dis, le scénar a des idées, mais se vautre dans des personnages complètement transparents. En revanche, il y a un problème, c'est le nombre de placements de produits. Ah oui, énormément. Il y en a 45 dans les 5 premières minutes, donc déjà, voilà. Mais ils ont créé une Audi exprès, une Audi RSQ, pour faire de la pub et tout. C'est la voiture que Will Smith, je crois, qu'il utilise. Oui, oui. Et donc vraiment, ils ont vraiment fait tout sur le placement de produits là-dedans. Et ça se voit. Mais ouais, c'est vraiment... attends, la scène des chaussures. Oui, aussi, oui. Tu sais, il serre ses chaussures et il en mode vraiment, c'est des super chaussures. Oui, calme-toi. Ouais, non, donc Aerobot, pas grand chose à dire. Je peux passer à la musique ? Oui, vas-y, juste un truc, c'est que en fait, c'est représentatif de tous les problèmes qu'il y a eu, quoi. Ça aurait pu être bien, il y a eu beaucoup de problèmes et c'est ce que c'est maintenant. Ouais, tu sens qu'il y avait un film de base qui a été écrit et qui finalement ça a été repris et repris. Genre, pour moi, l'idée du bras en métal, tu regardes ça, t'es en mode ok. Pourquoi ? Ça, genre, c'est juste, écoute, il y avait besoin de. Il y avait besoin de ça. Voilà, c'est tout. Alors, concernant la musique, donc tu as dit composée par Beltrami, là en revanche, c'est plutôt chouette. C'est vraiment une BO plutôt agréable. Même si c'est à nouveau une BO très hybride. C'est-à-dire que, je comprends pas trop ce qui s'est passé sur cette BO. Enfin, il y a des morceaux qui ressemblent à quelque chose, mais pas vraiment, qui ont une âme, mais qui tu sens qu'il y a des trucs en plus. Donc, c'est un peu l'image du film. Je pense qu'il y avait un truc à la base qui a été repris. Tu avais dit qu'il a été recomposé en 4 semaines, c'est ça ? La musique, 17 jours. Donc, 17 jours. Ouais, donc, ben, tu sens ça, mais bon, ça reste quand même pas détestable. On vous diffuse le thème End Credits, composé donc par Marco Beltrami. Et donc, Melvin, est-ce que tu peux nous parler de la VF du film ? Oui, la VF qui est plutôt bonne. Qui double le robot ? Le robot, c'est Daniel Lafourcade. C'est le doubleur de Paul Giamatti et de Zach Galifianakis, notamment dans les Very Bad Trip. Donc, j'ai un peu de mal à le prendre au sérieux, en fait. Tu m'étonnes. Mais après, pour le Alan Tudyk, par contre, c'est vraiment un doubleur qui lui colle. Si tu le vois... Alan Tudyk normal, dans des rôles, il fait beaucoup de rôles de comédie. Sur Brigitte, j'ai du mal avec son nom, Brigitte Moynihan, je compte toujours avec Monaghan, la femme de Tom Cruise, mais que dans Mission Impossible. Brigitte Moynihan, c'est doublé par Sylvie Jacob, encore. Elle est par, non, je dis pas Françoise Cadol, pardon, encore quand même. C'est la voix de Sandra Bullock, ou Angelina Jolie, ou Fort Boyard, c'est la voix off. Je trouve ça incroyable. Même le casting vocal de la VF, c'est un bordel, quoi. Et sur Will Smith, on a Greg Germain. Et Greg Germain, c'est le doubleur. En fait, ils sont deux à faire Will Smith. C'est Greg Germain et Lucien Jean-Baptiste. Donc voilà, Greg Germain, il a fait d'autres trucs, mais pas très marquants. Mais c'est de Will Smith, notamment sur les Men in Black, et dans la série animée aussi, et Le Prince de Bel-Air. Donc c'est plus ou moins l'ancien doubleur. Alors que Lucien Jean-Baptiste est plus récent. Et voilà, il y a mon chouchou Alexis Thomasson sur Chia LaBeouf. Ça, c'est juste pour placer parce que je l'adore. Chia LaBeouf ou... Non, pas Chia LaBeouf. Alexis Thomasson plutôt. Bah, Chia LaBeouf, mais... C'est longtemps qu'on l'a pas vu, d'ailleurs. Mais en même temps, c'est pas plus mal. Ok, et du coup, si jamais je te demande ta scène préférée. C'est le film pour lequel j'ai le plus de mal. Parce que je trouve qu'il n'y a rien qui se... tes marques, genre t'as 2-3 trucs par-ci par-là, mais rien de marquant. J'ai dû choisir le cache-cache parmi tous les robots quand il poursuit Sony au début, parce que pour la grande justification que je donne souvent, c'est stylé. Et voilà, c'est tout. Putain, mais quelle angoisse. Je vais même pas développer dessus, parce que en fait j'ai choisi par défaut, si tu veux. Ça, après c'est des petits trucs, genre quand il va voir le scientifique au tout début à Will Smith, qu'il lui parle et tout, qu'en fait tu te rends compte que c'est un hologramme. Bon, voilà, c'est marrant, mais c'est oubliable. Ouais. Moi, j'ai envie de dire la scène d'attaque des robots dans les containers, là. Oui. J'ai trouvé ça cool, mais en fait, vraiment, je trouve que c'est comme toi, c'est-à-dire que le film, c'est vraiment pas mémorable du tout. C'est triste. Ouais. En fait. Après, j'aime bien. Non, après, je répète quand même parce que. J'ai l'impression qu'on dit que c'est un mauvais film. Non, c'est juste. Ouais, c'est pas mal. C'est juste sympa plus, quoi. C'est... Oui, mais c'est pas. Enfin, on est. Franchement, pour le podcast, j'ai vu des films bien pires que ça. Je sais pas, tu parles de Ma Vie de Chat ? Alors, par exemple. Ou alors, un certain Destination Finale 4. Ou, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Scream, la série. Ah, t'as été traumatisé maintenant ? Le fantôme passe devant moi parfois. Ma vie a changé ce jour-là. Tu le sais. Ok. Alors, après, on passe donc en 2009, donc 5 ans plus tard. Ah, on attaque le gros, là, le gros morceau. Avec Prédiction, donc Knowing en VO. J'aimerais que vous me fassiez tous un beau dessin qui représente l'avenir tel que vous l'imaginez. Ensuite, on mettra tous ces dessins dans la capsule du temps. Et dans 50 ans, un groupe l'ouvrira pour voir ce que vous aviez imaginé. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Tu ne devrais pas ramener ces choses-là à la maison, ça doit rester à l'école. Mais ça va peut-être dire quelque chose quand même, comme une carte cryptée, je sais pas. Accroche-toi. Je sais que ça a l'air dingue. Mais j'ai établi une correspondance entre ces séries de nombres et les dates des plus grandes catastrophes des 50 dernières années, dans un enchaînement parfait. Tremblement de terre, incendie, tsunami. D'après le prochain nombre dans la chaîne, demain, quelque part sur la planète, 81 personnes vont mourir. Dans des circonstances tragiques. Oh, doucement, oh là, faut pas t'emballer comme ça. On peut voir les choses autrement. Des systèmes qui trouvent un sens caché dans les nombres, il y en a à l'appel. Tu sais pourquoi ? Parce que les gens voient ce qu'ils veulent voir. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis désolé, il faut retourner à votre véhicule. Il y a des blessés ? Quelques blessés légers, mais rien de très grave. Les nombres sont un avertissement. Mais qu'est-ce qui va se passer après les derniers nombres ? Mais en fait, je trouve ça dommage qu'il ne l'ait pas traduit parce que j'aurais trouvé ça trop cool d'avoir un film qui se serait appelé Sachant. Ça m'aurait fait marrer. Donc le film dure 116 minutes. Donc scénario, pas scénario écrit. Proyas a participé au scénario. Donc tu vois, il n'a pas que écrit Garage Days, il a aussi écrit Prédiction. Waouh. Ouais, tu vois, c'est. On fait qu'il arrête d'écrire, non? Non, il a fait Dark City, il a fait Dark City. C'est vrai, c'est vrai. Et on a aussi Juliette Snowden, aucun lien, et Styles White, qui sont un couple qui, entre autres, à l'origine de Ouija, le film, qui est nul à Yesh, et Stuart Hazeldine, qui a réalisé un film chrétien. On part donc sur une Dream Team. Une Dream Team. Incroyable. Vas-y, continue. Ça non, mais incroyable. Les films chrétiens, on fera un jour un truc là-dessus, mais à l'aide. À la musique, on a Marco Beltrami, donc toujours qui a fait Scream, Snowpiercer. Voilà, on en a déjà parlé en long et en large, mais il a aussi fait The Crow 3, donc ça reste toujours une longueur. À la photo, on a Simon Dugrane, tu en as déjà parlé, Axel Rich, Gatsby, etc. Budget de 50 millions de dollars. En recette, il a fait combien, à ton avis ? Me dis pas qu'il a marché, je vais pleurer, hein, sinon. 186 millions. Oh, ça a marché. Avec des critiques entre guillemets, un peu mitigé. Mais tu vois Roger Ebert, le critique américain, ouais. Bah, il a adoré le film. Il lui a mis 5 sur 5. Il a dit que c'était un des meilleurs films de tous les temps. C'est pas une blague. Est-ce qu'il serait scientologue ? Complotiste. Donc, ah. Proyas a déclaré vouloir rendre le film crédible et s'est dit s'être basé sur L'Exorciste dans son approche réaliste du fantastique. On va en reparler. Richard Kelly avait été approché pour réaliser le film. À l'aide. Ah, par contre. Oui, alors, par contre, par Kelly, pourquoi pas ? La fin ? Truc, hein. La fin, c'est pour Kelly. Je suis désolé, il faut filer ça à Kelly. The Box, c'est la même chose. Non, mieux, moins bien, j'en sais rien. Mais je suis désolé, mais c'est pareil. C'est la même chose. C'est le même délire. En moins bien, parce que c'est pas Kelly. On sent la colère. Au casting, non, on a donc Ben Mendelsohn, qui a joué dans Ready Player One, Star Wars Rogue One, etc. On a Rose Byrne. Le gars qui joue des méchants, mais jamais crédible. Je ne sais pas si t'as remarqué, mais toujours des méchants, ils sont jamais crédibles. Oh, Ready Player One, touche pas, toi. Non, ils sont tout pourris, ils sont méchants. C'est comme Robin des Bois, c'est pur. Tu es de mauvaise foi. On a Rose Byrne qu'on avait déjà vu dans X-Men First Class, Insidious ou 3. Rose Byrne, d'ailleurs, petite pensée à tous les jeux de mots de cours de récré qui ont été faits sur son nom de famille. Voilà. Et on a Nick, finalement, le non, go. T'en as oublié un. Tu en as oublié un. Lequel ? Liam. Liam Hemsworth. Liam, putain, mais il apparaît 5 secondes. Je m'en fous, c'est le frère de Chris. C'est Chris, vrai. Chris, tu vois, c'est un peu le dieu. Donc, Chris Hemsworth qui est là dans tous nos podcasts. Mais attends, ça fait combien d'épisodes qu'on l'a pas eu en vrai? Enfin, ça fait combien d'épisodes qu'on l'a eu? Beaucoup. 3-4 quand même. Le prochain, on l'a encore? Ou c'est encore le MCU? Et le suivant, on l'aura pas. Non, ah putain, mais non, méfie-toi. On aura un autre Chris. Ouais. Méfie-toi. Ça. Tu sais qu'il est pas tout seul là et il est quand même là. Donc, À l'aide. Donc oui, il y a Liam Hemsworth qui a un rôle d'à peu près 10 secondes au début du film. Et on a Nick, le Nick, le maître, le GOAT, donc Nicolas Cage, qu'on avait déjà vu dans Kick-Ass, Sailor et Lula, Mandy. Ah, t'en as oublié un autre aussi, qui est important. C'est la moumoute de Nicolas Cage. Oh putain, ouais, alors, oui. Le rôle principal, les cheveux de Nicolas Cage. Ça, c'est vrai que... Il a à tenir sur ce film. Il a quand même pas de chance. Alors du coup, pour ce qui est de l'histoire, alors... Comment parler? Donc c'est en 1959, une jeune fille va écrire des chiffres sur un papier qui va être mis en terre, tu sais, les time capsules, qui va être mis en terre, déterré 50 ans plus tard, et Nicolas Cage va découvrir que les chiffres en question annonce la potentielle fin du monde, pour faire simple. Alors, en partant de ce postulat, j'ai envie de dire que pour moi, c'est un film qui a l'image de la carrière de son réalisateur. C'est-à-dire que... principal aussi, hein. Bah, c'est-à-dire que ça... Touche pas à Nicolas Cage, toi. C'est-à-dire que ça démarre bien. Je trouve que, honnêtement, le film donc, dure quasiment 2 heures, et le début se tient quand même plutôt pas mal. T'as vraiment... Tu comprends pas trop, tu sais pas... Et par exemple, je trouve les scènes d'accident très spectaculaires. Par exemple, il y a une scène d'un crash d'avion avec un plan séquence dedans qui est vraiment, vraiment cool. C'est genre le plan séquence de Nicolas Cage dans les débris de l'avion. Oui, je vois. Qui est assez cruel, enfin, c'est plutôt bien. Et une scène d'accident de train qui est vraiment impressionnante, c'est vraiment plutôt bien. Et alors, le début se tient bien. Donc, je voyais le début, je me dis, ah, c'est cool. Et puis, il y a la deuxième partie. Alors. Je vais pas tout de suite révéler cette fin. Oh non, laisse-moi sublime. Plaisir. Laisse-moi. Mais à partir d'1h15, j'ai noté 1h15, le film part en couille et va se vautrer dans un amas de complotisme qui. Ouais, qui... à l'aide. Voilà, donc c'est en fait, dommage, parce que, à nouveau dommage, parce qu'avec un concept comme ça, le film aurait pu être vraiment cool. Mais voilà, donc vas-y, je te laisse donner ton avis sur le film. Ne révèle pas tout de suite cette fin lunaire, mais t'as rien d'y repenser, j'avoue. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mais ouais, comme tu dis, alors moi, c'est le film catastrophe, c'est un genre que j'aime beaucoup. Je trouve ça toujours impressionnant. En général, les effets spéciaux, enfin, quand tu vas dans le table, dans les bons films catastrophes, c'est bien fait. Roland Emmerich, le GOAT. Ouais, Roland Emmerich. Alors, Moonfall, c'est un peu le même film en vrai. Truc composé. Ouais, non, attends, Moonfall, c'est quand même plus rigolo. Mais la panique. Et ouais, non, le début, franchement, quand je l'avais vu, c'est vrai, je l'ai vu avec mon père, se passer à la télé quand j'étais petit. Le début, il m'avait conquis. Hein. J'étais, oh, c'est trop bien, ça, ces trucs, ça voit le futur, des catastrophes, le 11 septembre, c'est génial et tout. Et en fait, je dirais exactement la chose que toi. Arrive le milieu du film. Arrive ces espèces d'hommes un peu bizarres. Où tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais qui sont-ils? Et en fait, tu te rends compte qu'à la fin du film, que tu n'aurais jamais voulu savoir pourquoi. Tu aurais voulu rester sur du mystère. Tu vois, une fin ouverte. Un court-métrage. Est-ce que tu veux révéler la fin? La fameuse fin? Il faut. Donc, je resitue, il y a la petite dame qui donne des dates de catastrophe et donc de la fin du monde. Nicolas Cage a un fils qui est approché par des hommes, en fait, plus des hommes en noir. Et en fait, à, je sais pas, c'est vers la fin, oh là, toute fin, en fait, c'est une espèce d'extraterrestre, ce truc lumineux. Des espèces, c'est complètement des extraterrestres sortis de nulle part. Sortent de nulle part, qui prennent le fils de Nicolas Cage et le fils de l'autre personnage, de la fille de Rose Byrne, l'emmènent dans l'espace, sur une planète. Et ça s'arrête sur les deux enfants et un arbre devant, Adam et Ève. C'est complètement pété. Ça sort de nulle part. C'est nul, c'est tellement nul que t'en rigoles. C'est... Et surtout, c'est super prétentieux. Parce qu'il prétend te refaire la Bible et tout. Et voilà. Donc, à l'aise. Les autres crèvent d'une éruption solaire. Hein. Faut préciser en même temps, ils sont tous en train de partir en cendres. Oui, le message de fin du film, c'est des enfants vont être choisis et le reste de l'humanité va périr dans les flammes. Ah oui, avec cette scène lunaire aussi où Nicolas Cage dit bon, allez, je vais mourir, je vais rejoindre ma famille, ils font tous un câlin et tout là. Non, c'est. Oh, oh mais c'est dommage, ça partait bien, mais. Oh. Ah, mais honnêtement, je trouve le début vachement bien, vraiment, je trouve le début, ah, ça, bah, oui. Ça a de la gueule. Mais j'aurais jamais voulu que ça continue en fait, j'aurais dû m'arrêter à une heure, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Dommage, ça n'a pas de fin, mais c'était pas mal. Et en fait, ça se vaut dans une espèce de complotisme puéril, débile. Et surtout, ça mélange plein de complots. Tu sais, ça mélange genre les enfants aux yeux noirs, les hommes en noir qui dans l'état. Vraiment, c'est. Ça mélange toutes sortes de choses. C'est un bordel et c'est. En fait, moi, honnêtement, ça m'a fait rire. Je l'ai vu un tout petit peu éméché. Et la scène où, il y a une scène qui est interdite, mais c'est quand Nicolas Cage, tu sais, il a les chiffres sous les yeux et il fait oh, c'est des coordonnées GPS. T'as plus le droit de faire ça. T'as pas le droit. C'est interdit ce genre de scène. C'est illégal. C'est ça, t'as le crash d'avion. Hey! C'est un problème, genre, je sais pas. Non, mais ce film, c'est. Pourtant, vraiment, à nouveau, le début part pas trop mal, mais surtout Nicolas Cage, il est tout le temps énervé. C'est-à-dire que, tu sais, genre, dès qu'il rentre chez lui, et genre, bam, il enlève son truc. Tu sais, son tableau est enfermé, tu pourrais juste le ranger. Et aussi, tu sais, on te le vend un peu comme un alcoolique déprimé et tout ça. Et en fait, non, il est alcoolique, mais soft. C'est-à-dire que les seules choses où tu le vois boire, c'est quand, tu sais, il a un petit verre pour dormir tranquille. Non, c'est vrai. Après, on a Nick Cage qui fait une performance il y a quand même des bons moments à la Cage. Après, Cage est bon, ça change pas. Mais n'importe quel film, je le trouve bon. Donc Bah, n'importe lequel, quand il se fait chier, tu le vois. Hein. Mais là, il se fait pas chier, ça va. Mais convaincu par son scénario. J'aime beaucoup, quand il est dans son école. Et tu sais, t'as un élève qui lui pose une question. J'y arrive. T'as un élève qui veut lui poser une question et donc lui il fait il y a pas de Dieu, pas d'avenir. Et tu sais, il part dans un speech super déprimant et tu te dis waouh, ok, arrête-toi, calme-toi. Et il commence à faire il y a pas de Dieu, pas d'univers, c'est ça. Bah, tu t'es trompé, Nick. Parce qu'à la fin il y a Dieu. Les extraterrestres, t'es Adam et Eve. Ah putain, voilà. Mais ça. Et après, tu sais, lorsqu'il est à New York, il dit qu'il va y avoir un accident. Il va voir le policier, il fait ouais, est-ce que vous avez évacué? Il commence à l'engueuler. Mais après, dans cette période, Nick Cage, il avait quand même fait Next de Lita Maori, qui était quand même une belle merde. Mais, je trouve que l'idée sympa de Next, et j'avoue, j'aime ce film. Next? Mec, c'est le super pouvoir le plus pété du monde. Il voit dans l'avenir, mais de 5 secondes. Mais tu préfères quoi? Qu'il voit dans l'avenir et qu'il voit dans l'avenir que ses enfants vont au paradis avec des extraterrestres. Mais mec, Next, le twist de fin est interdit. C'est des twists. Genre, depuis le début, c'est un rêve. T'as pas le droit de faire ces twists. Mais c'est un rêve qui, en fait, il est dans l'espace avec. Mais après, dans la même période. Dans la même période, il avait quand même fait l'ignoble, le puant, en termes de morale, j'entends, Lord of War. Ah oui, parce que sinon c'est bien. Moi j'aime bien. Hein. Attends, en termes de morale, c'est quand même dégueulasse. Ouais, mais j'adore le film. Alors, si on fait un épisode d'Andrew Niccol, je pense que vraiment ça va se taper. Parce on va se battre encore. Lord of War, c'est un film que je peux pas supporter parce que je trouve qu'il a un côté, regarde, cool et cynique sur la guerre. Mais tu sais, c'est le ressenti que j'ai, c'est les jeunes qui connaissent, les gens qui connaissent rien à rien, et après qui vont voir le film vont faire ouais, le marché des armes, je peux en parler, ouais, alors que non, pas du tout. Mais bref. Mais du coup, dans cette période-là de Cage, ils vendent des armes à des extraterrestres qui finissent dans l'espace avec Adam Hell, mais non, pas non plus. Oh putain. Non mais du coup, ma prédiction, je dis honnêtement, je crois que c'est la pire fin que j'ai jamais vue de toute ma vie. Oui, parce qu'il y a des films qui sont nuls de bout en bout, mais la fin est pas plus nulle que le reste, tu vois. Là, c'est vraiment la pire fin que j'ai jamais vue. Ça sort de nulle part, c'est nul. Oui, mais attends, est-ce que tu vois le même Aliens? Non, là, comme ça. Homme avec une coiffure hirsute. Attends, tu sais quoi, je te l'envoie à l'instant même sur notre petit. Sur notre petite conversation. Je te l'envoie tout de suite. Tac. Attends, voilà. Voilà, c'est genre Aliens. Bah, c'est tiré d'un truc qui s'appelle Alien Theory. Ça passe sur National Geography, je crois. Et c'est un truc qui t'explique que tout est dû aux aliens. Tu vois, genre, Stone Age, bah, c'est les aliens, quelle question. Le fait que toutes les pyramides se ressemblent, bah, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Alien. Et en fait, prédiction, c'est le twist de fin de prédiction, c'est ça. C'est-à-dire, toutes les questions que tu t'es posées, quelle question? Alien. Et voilà, et vraiment, c'est juste genre, et du coup, je sais pas dans quelles conditions tu l'as vu, mais prédiction, je l'ai vu un peu éméché vers 1 ou 2 heures du matin. Et après, je me suis lancé un épisode d'Alien Theory, et tu sais, tu termines l'épisode et tu te dis, finalement, pourquoi pas? Finalement, oui, c'est crédible, j'y crois. Non, donc voilà, c'est Aliens. À chaque fois, j'arrive pas à parler de prédiction sérieusement, quoi, à cette fin. Mais, et surtout, la question que je me pose, c'est putain, la gamine qui écrit des chiffres, pourquoi t'écris pas juste tel jour, telle heure, il se passera ça, tu sais. Les aliens nous ont dit t'écris du chiffre, ok. Ouais, c'est genre, c'est Aliens. Et pour le coup, c'est triste parce que Dark City a un twist similaire, mais justement, Dark City a l'intelligence d'être bien. Et pour, ouais, bah, Proyas, on va pas nulle part dans Dark City, tout est amené. Proyas, c'est un mec qui sait tenir sa caméra, mais là, c'est simple. Il se perd complètement et c'est Aliens. Tiens, c'est pourquoi le film est nul. Ouais, après, Aliens. Ouais, c'est ça. Après, tu parles de Maniac Hammer et tout. Par contre, c'est bien filmé. J'ai rien à dire sur la technique, quoi. Les effets spéciaux sont plutôt convaincants pour une fois. Le crash d'avion, ça a vraiment de la gueule, hein, quand même. Hein. Oui, c'est ça, quoi. C'est pour une fois. Et c'est peut-être le seul film où les effets spéciaux sont vraiment bien. Et c'est pas trop mal filmé, d'un point de vue technique, ça va. Il sait quand même tenir sa caméra. Ah. Et moi, ce que j'ai noté en résumé de tout le film, c'est dès que le film sort de son concept et va sur les hommes en noir ou les autres conneries, ça devient vraiment pas dingue. J'ai noté ça juste après avoir terminé le film. Mais ouais, en fait, c'est vraiment Aliens, en fait. C'est genre, putain, mais à quel moment ils se sont dit ça, donc oui. Et toutefois, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, si tu l'as sous les yeux, si tu l'as pas, moi je l'ai. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, le commentaire que tu avais trouvé sur Allociné? Bah, déjà, les commentaires Allociné, ça vaut ce que ça vaut, on va dire. Mais tu peux lire les commentaires d'Allociné que tu avais lus sur le film? Alors oui, des gens qui n'ont évidemment pas aimé. Donc on en a un qui nous fait « Attention Navé, ce film, t'as l'image de la nouvelle moumoute de Cage, une cata. » Donc oui, effectivement. Et alors l'autre... Grosse promo de la Scientologie et des problèmes capillaires de Nicolas Cage. Voilà, le pff est important. Mais voilà, c'est compliqué quand même, voilà. Mais alors maintenant, sur la musique, tu sais quoi? La musique est pas folle non plus, mais j'ai pas envie de me faire chier sur les droits d'auteur. Je foutrais la 7e symphonie de Beethoven qu'on entend à la fin. Voilà, je mettrai ça, parce que, putain, cette scène de fin, tu l'as dit, Adam et Ève, avec globalement toute l'humanité qui est destinée à mourir, brûlée par une éruption solaire. Tu vois, c'est... Waouh! Oui, mais comme il se repent avec sa famille, il vit en homme heureux. Voilà. Le moral, tout finit bien. Oui, oui, c'est vrai que finalement, tout va bien, je veux dire, non, mais c'est scandaleux. En revanche, donc le film a fonctionné. Et alors, à savoir que sur la réception critique, le film a quand même été en mode « c'est pas mal ». Et devine ce que dit toutes les critiques qui ont été positives. Ou c'est des complotistes, ça, c'est sûr. Non, non, non. Critiques positives, ils disent tous, en s'accordant, il a des idées intéressantes, un pitch de base mortel, des scènes qui se tiennent, qui sont vraiment super, mais ils se cassent la gueule dans un plot qui a aucun sens et dans un abus de sérieux et de conneries complètement abusées. Et pour anecdote, le film a quand même été débunké. Parce que c'est-à-dire que des mecs ont vraiment cru à l'apocalypse du film. Et le film a dû être débunké en mode non, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Donc ouais, c'est Aliens. Ah ouais, c'est. Ouais, du coup, bon, sur la BO, donc en entier, bah, c'est pas grand chose à dire. Pour le coup, Beltrami fait vraiment du roue libre. Voilà, mais du coup, en musique, je mettrais la 7e symphonie de Beethoven, parce que mettre du Beethoven, c'est toujours une bonne excuse, finalement. Et, c'est agréable à écouter. C'est très agréable à écouter. En plus, c'est-à-dire, la scène de fin, j'ai aucun problème avec les scènes d'Apocalypse. Mais en fait, amener comme ça pue la merde. Mais tu vois, les scènes d'Apocalypse avec la musique de Beethoven, pourquoi pas, même si c'est dommage d'associer Beethoven à Aliens. Mais est-ce que Beethoven n'était pas un alien, en fait ? Le film serait capable de te le justifier. Mais donc voilà, non, mais je te dis, si vous voulez vous faire un double programme Alien théorie et prédiction, faites-vous ça, c'est super. Sur la VF du film... Par prédiction, par contre. Ouais, ce que tu diras, finalement, ça passe. Sur la VF du film, en commençant, s'il te plaît, par le maître, le notre Dieu à tous. Dominique Collignon-Morin. Le doubleur de Nicolas Cage sur alors quasi tous ses films, parce que 62 films, donc il y en a 2-3 qui échappent à la règle, mais ce doubleur, l'homme à la voix d'or, à la voix de miel, l'homme que je pourrais écouter pendant des heures, qui ça y a doublé également Willem Dafoe, notamment chez les Wes Anderson, pas partout, ils sont plusieurs à se le partager. Il a fait Mark Hamill sur les Star Wars, les 3 premiers, pas les 3 premiers, les 4, 5, 6 du coup. Ouais. Et dans Kingsman, il a fait Léon dans Monstres et Compagnie. Et ça, je te l'avais déjà dit, mais je trouve ça incroyable. Il a fait les livres audio d'Harry Potter 5, 6, 7. Et écouter Harry Potter avec la voix de Nicolas Cage, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment que ça dans la vie. C'est un but dans la vie. Bah, sur ça, oui. La VF de Cage est toujours vraiment cool parce que vraiment, c'est. C'est vraiment un acteur que j'aime énormément, bon, même si c'est à cause de lui que j'ai dû voir, que j'ai regardé l'ignoble La Cité des Anges, qui était quand même une purge. Tu l'as vu ce truc ? Non. Un mec, mais c'est une daubasse, mais c'est par le réalisateur de Casper, je crois. Et voilà, un épisode sur lui. Non. Et vraiment, c'était Brad Silberling, voilà, je cherchais son nom. C'était atroce, mais vraiment, la VF de Cage, moi, c'est une VF que j'aime beaucoup. Et ouais, bah, prédiction. Mais sur les scènes préférées, alors je pose la mienne en premier, ce n'est pas la fin. C'est le crash de l'avion, avec le plan séquence de danse. Non, c'est ce que je voulais dire. Yes ! Tant pis, je dirais le train, alors. Avec les mêmes arguments, donc. Non, pour le coup, c'est assez impressionnant, donc, enfin... Il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste que ça montre que Proyas, c'est quand même un gars qui sait tenir sa caméra et qui peut quand même mettre, bah, je ne vais pas dire une émotion parce qu'on n'est pas à la cheville de The Crow, mais c'est. Ouais, en fait, pour moi, les scènes de crash illustrent la carrière de Proyas, c'est-à-dire que ça démarre bien. Et ensuite, tu commences à avoir une petite sortie de route quand même avec Garage Days, tu vois. Genre, pour moi, les hommes en noir de prédiction, c'est le Garage Days de la guerre de Proyas, tu vois. Tu sais pas ce qu'il fait là, mais il est là. Et après, ça veut revenir sur un truc qui se tient avec iRobot pour ensuite complètement partir en couille, en fait. Ouais, du coup, ma scène, c'est le train, mais je vais pas m'étendre dessus. C'est exactement les mêmes arguments. C'est vraiment les scènes de catastrophe, quoi. Et voilà. Et même si j'avoue que la fin... Non, je déconne. Jamais de la vie. Est-ce que tu veux, donc après prédiction, est-ce que tu veux parler des projets qu'il a eus avant l'apothéose de sa carrière ? Par contre, déjà, prédiction, c'est pas mal. Ouais. Oui, alors après prédiction, Proyas avait en projet de faire un film Paradise Lost, adapté du poème de John Milton, produit par Legendary. Donc c'était un film sur un combat des archanges Michel. Donc, je sais pas du tout comment on dit, et Lucifer, un truc à la Proyas, j'ai envie de dire. Au casting, on devait avoir Bradley Cooper, Jimon Unsu, Casey Affleck, Dominique Purcell. Oh, bon, putain. Lui, voilà. Et sauf que le souci, c'est que le film devait être, c'était un film à gros budget. Proyas voulait de la motion capture pour faire les monstres, tout ça, un peu à la iRobot, mais sauf que ça coûtait un peu plus cher après, de meilleure qualité. Legendary a voulu baisser le budget, ils sont jamais arrivés à le baisser assez, assez bas, et donc finalement ils ont fait, ben, hop, tant pis, nous on s'enlève du projet, et ils ont jamais trouvé de producteur, ça s'est pas fait. Et c'est dommage, parce que ça avait l'air d'être un truc sympa. Hein. Bah, déjà oui, mais à savoir également que... Proyas aurait pu réaliser le film Dracula Untold avec Luke Evans. Il était attaché à l'adaptation de Dracula Année Zéro, qui était prévu comme un truc assez sombre, assez violent, mais qui finalement s'est pas fait pour cause de budget. On n'a pas trop d'infos. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que Dracula avec une vibe à la The Crow, ça aurait été son ouais. meilleur film, sans trop de problèmes. J'aurais bien vu. J'aurais bien vu en plus, tu sais, à la fin, genre Dracula, ben en fait, c'est un alien, vous voyez. Dracula et Aliens. En fait, c'est un alien. Oh, oui, c'est pour ça qu'il pompe le sang et il filme dans l'espace. C'est ça, c'est ça. Aliens. Mais et donc, au final, on a eu... On n'a pas eu Dracula. On n'a pas eu Paradise Lost. On a eu Codes of Egypt. On a perdu tout ça pour avoir Codes of Egypt. Il est loin, le temps où les dieux marchaient parmi nous. Avant que la fureur déferle sur notre terre. Avant que la guerre nous divise à jamais. Tu n'es pas digne d'être roi. Mon heure est venue. Non ! Seth a conquis toute l'Égypte. Et assujetti son peuple. Un seul dieu peut nous sauver, mais pas sans son œil. Voler un dieu? Il faut avoir perdu l'esprit pour oser essayer. Mais où trouverait-on un homme qui a perdu l'esprit? J'ai une chose que Seth t'a dérobée. Il faut que tu nous aides. Bientôt, je régnerai sur le monde. Comment arrêter ce misérable? Tâche de faire comme moi. Tu sais ce qu'il va faire. Seth a une armée derrière lui. De dieux, de monstres, de démons. Vous serez le bras du jugement dernier! Prosterne-toi ou meurs. Je ne ferai pas cette folie. C'est une tempête? Les chasseurs de Seth sur leurs animaux de compagnie. Il faut courir! Courir? C'est ce que font toujours les mortels! Et donc, en parlant de partir en couille, Melvin, je te propose que tu nous parles de l'apothéose de sa carrière, du sommet finalement qu'il a j'ai atteint. J'ai envie de dire, oui, le climax de sa carrière. Ça, Stanley Kubrick a son 2001, Steven Spielberg a son liste de Schindler, bah Alex Proyas, il a Gods of Egypt. Et oui, Gods of Egypt, donc 2016, le 140 triste... millions de budget, 127 minutes, le plus conséquent à ce jour. Le tristement célèbre Gods of Egypt. Un scénario de Matt Sazama et Burke Sharpless qui n'ont strictement rien fait d'autre, ou alors que je n'ai pas trouvé. Mais bon, on ne peut pas m'attendre là-dessus. La musique, on garde Marco Beltrami, et la photo, on prend Peter Menzies Jr., dont alors je crois qu'on a déjà parlé. Oui, parce qu'il a fait l'incroyable Hulk. Et Pierre Lapin. C'est pas... Mais je ne vais pas arriver à finir cet épisode. Pierre Lapin, l'incroyable Hulk et Gods of Egypt. avec donc son casting de luxe en plus, on a Gérard Butler. Gérard Butler. On a Nikolai Coster-Waldau qui est donc, à part si vous n'avez pas vu Game of Thrones, il joue dans Shrek le prince charmant. Ah non, pardon, ce n'est pas lui. Juste une porte en mince. Et sinon, il n'a rien fait d'autre. Il y a Geoffrey Rush qui s'est perdu. Chadwick Boseman qui je sais pas, qui est là, je ne sais pas. Qui chope son chèque. Il y a Rufus Sewell qui revient parce qu'il pense que lui aussi il a besoin d'un peu d'argent. Et alors, on a la Elodie Young. T'as oublié de parler de cette arnaque sans charisme. Mais oui, j'y viens. Je les garde en derrière, meilleur plan. Ah, évidemment. Et on a Brenton Thwaites. Cette arnaque d'Hollywood. C'est vraiment le gars, à chaque fois, on le voit, on fait « C'est qui, lui ?» Cette morue. C'est lui qui est en Pirates des Caraïbes 5, non ? Oui, oui, c'est lui. Mais attends, ce mec-là, genre, je comprends pas sa carrière. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les studios veulent s'acharner à le mettre dans des films, mais ça marche pas, ça marche pas du tout. Il a eu un petit rôle dans The Mirror de Flanagan, mais il avait joué dans Maléfique, il joue le prince Philippe. Il avait joué dans The Giver, enfin, ouais, et surtout, il avait joué du coup, dans le Pirates des Caraïbes 5. C'est qu'est-ce qu'il fout là en fait? Qu'est-ce qu'il veut? Je ne comprends pas. Voilà. Rappelons qu'il joue le fils d'Orlando Bloom quand même. Ça n'a aucun sens. Et bref, Gods of Egypt, ça raconte l'histoire de deux dieux qui se battent. Et voilà, c'est à peu près tout. Oh, attends, donne les détails quand même. Donne les détails. Et bah, c'est deux dieux qui se battent et un qui veut conquérir l'Egypte et l'autre qui perd ses yeux. Et Brenton Thwaites, c'est avec son charisme immense. Alors le dieu, il dit tiens un œil. Bats-toi pour moi et ramène ma femme morte. Voilà. Que dire sur ce truc Je veux quand même insister sur un point. 140 millions de budget. Voilà. Première question, qui a géré les fonds verts? Alors, j'ai pas un peu cherché là-dessus. Je vais te trouver ça tout de suite. Bah, je propose qu'on évacue quand même une chose. C'est les effets spéciaux sont dégueulasses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul fond vert qui passe. Et vraiment, un détail, voyez les cheveux de Beck, donc Brenton Thwaites, pas une seule fois ça passe, c'est... qu'est-ce que ça? Mais du coup, que c'est moche, mais vraiment tout est moche de A à Z. Et alors autant toi tu l'as découvert, moi je l'ai revu, et la première fois je m'étais dit que c'était un nanar, mais honnêtement... Mais c'est super chiant en fait, parce que quand tu connais les conneries visuelles, tu comprends pas, genre scénar aux fraises, acteur présent. J'aimerais quand même faire une spéciale dédicace à Geoffrey Rush, qui... J'ai mal au... qui est dans l'espace. Ah, encore une fois. J'ai mal à mon Barbossa quand je vois ça quand même. Et ouais, en fait, pour le coup, après, est-ce que tu as pu regarder du coup les concept art que j'avais envoyés sur notre petit groupe? Et ils sont magnifiques. Ah, les concept art sont sublimes. Hein. Je viens de chercher. Est-ce que tu connais le chef décorateur de ce film? Non. Il n'est autre que Owen Paterson, qui n'est autre que le gars qui a fait le chef décorateur de Matrix, Matrix 2, Matrix 3, V for Vendetta, ou Speed Racer, ou Godzilla de Gareth Edwards, et donc de Gods of Egypt, au milieu de tout ça. Je pense qu'il s'est un peu trop inspiré de Speed Racer. Je pense qu'il est resté bloqué là-dedans. Ouais, mais pour le coup, vraiment, taper Gods of Egypt concept art sur internet, c'est sublime. C'est très, très, très, très beau. Parce que là, putain, mais. Bah alors, wow, moi, je veux quand même dire un truc. Vas-y. C'est moche, c'est même pire que moche. Mais... Honnêtement, le film date de 2016. Même en 2002, c'était pas acceptable des effets comme ça. Je veux dire, l'incrustation du fond vert. Bah, Aérobot, les effets spéciaux sont pas mal faits, ils ont juste mal vieilli et sont très dérangeants. Là, c'est mal fait, c'est pas fini, le film n'est pas terminé. Mais je tiens quand même à dire un truc, c'est que ouais, c'est moche, c'est même très laid, mais il y a des idées. Les idées de, il y a des idées de artistiques de partout, quoi. Après, c'est moche. Oui, bah, c'est dû, c'est les concept art qui sont vraiment très très forts et. Toutes les idées autour de l'univers du film, mais c'est dégueulasse. Je veux dire, l'application. Putain, Gérard Butler. Enfin, Gérard Butler. Je comprends pas son rôle. C'est-à-dire que il veut se faire construire une tour, mais pourquoi? Et rappelons cette magnifique scène du serpent géant. Je pense que c'est l'apothéose de l'effet spécial moche. Qui va se faire hypnotiser pour se cramer lui-même. C'est dit, ok. En fait, c'est très drôle, mais ce que je trouve presque dommage, c'est que le film, c'est un blockbuster qui est pas tiré d'une franchise, qui est pas tiré de... Je peux te citer au pif Exodus, Gods and Kings. Je suis désolé, c'est la même chose. Oui, mais un truc de fantasy comme ça, je veux dire. Là, tu vois, il y a cette idée un peu à la momie de blockbuster fantastique, voilà. Mais putain, c'est pour faire ça, ouais, Gods of Egypt, c'est... Et honnêtement, c'est vraiment, surtout c'est là où c'est aberrant de conneries, c'est juste l'espèce de naïveté avec laquelle c'est fait de, au pire, ça passe. Je veux dire, la scène de fin, c'est quand même une espèce de combat aérien. En fait, ce film, c'est les Chevaliers du Zodiac qui rencontrent les doubleurs français de Ken le Survivant. Parce que oui, je me suis fait un plaisir, je l'ai vu en VF. J'ai poussé le vice. Et qui s'accouplent pour donner un bébé chelou qui veut être proche du cobaye dans son innovation, mais qui en fait fait le cobaye 2. Voilà. Et ouais. Non, mais c'est atroce. Enfin, la scène de fin avec Apophis, c'était l'espèce de serpent géant, enfin de serpent géant, non, de gros nuages noirs, qui est censé boire toute l'eau du Nil. Ok, d'accord, bah glouglou, du coup, glouglou. Non, ça. Et... Dans ce film, ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a l'Égypte, et c'est tout. Le reste du monde n'existe pas. C'est, le ouais, monde c'est... se détruit, mais qu'en Égypte. Donc en fait, si t'es genre au Maroc, t'es pas très loin, tu vois. Mais ça t'es passe. Tranquille, normalement. Ouais, normalement, tu t'en sors. Non, mais c'est ça. Et puis Geoffrey Roche, je veux dire, c'est gênant pour lui, il est sur son vaisseau là-haut. Ah, par contre, Gérard Butler a l'air de s'amuser. Ça. Ah, oui. Enfin, en même temps. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Gérard Butler, à part il avait fait un film horrible qui était Usual Suspect chez les Rednecks. Et avec un espèce de twist à la Usual Suspect à la fin, qui était ridicule, mais en gros c'était vraiment Usual Suspect avec du Poppers, tu vois. C'est. Entre God of Philippe 2016, juste avant la chute de Londres. Juste après, Attends. La chute de l'ombre de Londres, c'était très drôle. Ouais, et après, il y a Geostorm l'année d'après. C'était quoi déjà ça ? Geostorm, c'est un film catastrophe où ils ont mis un satellite météo, et il déconne, et du coup, il catastrophe de partout, et ça n'a aucun sens non plus. C'est le film avec beaucoup moins de sens que j'ai vu. Il y a Ed Harris dedans, tu sais pas ce qu'il fait là. C'est genre, les gars, ça déconne, donc à Tokyo, t'as des météorites, alors que t'as des tsunamis comme d'hab à New York, et ça n'a aucun sens. C'est nul. Le film est bien ? Non. Geostorm. Quel daube, ça aussi. Mais, ouais, mais en fait, pour le coup, Gods of Egypt, aussi un truc qui m'a fait rire, c'est les blagues de beauf. Le film est beauf. Bah, tout court. Par exemple, quand ils arrivent chez. Comment il s'appelle, Chadwick Boseman ? Tot, voilà. Tu sais, un moment il dit à la fille qu'il peut hypnotiser les gens, donc Hathor, je rappelle que Hathor c'est une déesse à tête de vache, hein, voilà. Il fait ouais, retourne-toi, et elle fait tu préfères la vue derrière, et lui il est en mode non, enfin si, mais t'es en mode mais putain, mais arrêtez. Et c'est le gars du savoir normalement, c'est l'être le plus intelligent qui existe, hein. Rappelons-le aussi. C'est... Non mais vraiment, c'est. Après, le fossoyeur de film a fait une excellente vidéo sur Gods of Egypt qu'on ne peut que vous encourager à aller regarder. Mais ce film, c'est un cas d'école quoi, pour comprendre mais ah oui, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a cette scène du marais aussi où Nicolas, truc là, il fait « Oh, mais tu as changé de robe. Mais tu n'aimais pas l'autre. Je la trouve un peu petite quand même. » C'est horrible, cette scène. C'est très gênant. Non, mais Gods of Egypt, c'est... C'est un mythe pour le coup, mais vraiment, je pense que c'est à voir, mais dans un état second, voire tertiaire. Parce qu'à ce moment-là, tu peux te dire, en vrai, ça passe. Ah, si tu l'enchaînes avec Prédiction, pourquoi Aliens. Pas. Aliens. Non, mais après, je reconnais quand même, c'est ce que je te disais avant de commencer l'émission, c'est que c'est nul, mais c'est tellement nul que ça en vient bien par moment. Enfin, genre, je rigolais devant et... Et je persiste à dire qu'il y a des idées qui sont vraiment bien par moment. Ça aurait pu être bien. Tu vois, c'est pas un film nul, mais vraiment nul. Tu peux rien y faire. Il y avait des idées, ça aurait pu être bien en changeant le scénar et deux, trois trucs, quoi. Tous les concept art montrent que le point de départ du film aurait pu être vraiment quelque chose de très fort. Quelque chose de vraiment, ça aurait pu être quelque chose de. Vraiment une espèce de franchise sortie un peu de nulle part et qui aurait pu proposer quelque chose d'assez épique. Et pour le coup, ouais, c'est dommage. Je veux dire, même le Sphinx, il est moche, quoi. C'est dire, quoi. Stylé, mais moche. Non, mais c'est vraiment. Ce film, ça, c'est dommage. C'est un espèce de naufrage géant qui est devant nos yeux et on se dit c'est triste. Et oui, parce que même niveau réalisation, pour le coup, on le dit à chaque fois, mais ça passe, quoi. Et des plans, les plans de vol, il le fait tout le temps à Proyas, mais je trouve ça stylé. Genre, il fait manœuvrer sa caméra et c'est pas mal, quoi, là-dessus. Genre, c'est toujours lisible. Je ne peux pas reprocher au film, c'est que quand il y a du combat, c'est moche, mais c'est lisible. C'est toujours lisible, le film. Vraiment, en fait, c'est lisible, mais ça reste quand même quelque chose qui est très... Ouais, on l'a déjà vu, et même, enfin, le problème c'est que comme les effets spéciaux sont dégueulasses, bah ça suit pas, tu vois, c'est dommage en fait, c'est vraiment juste dommage, et je peux pas m'empêcher de me dire que j'aurais aimé que le film soit bien, mais dans l'état, on a une espèce de gloubi-boulga numérique avec une chantilly d'acteurs aux fraises, chantilly, fraises, c'est rigolo, mais donc, ouais, non, c'est. Vraiment ouais, très. Gérard Butler se donne à fond. Gérard Butler se donne à fond. À oui, fond, mais fond, juste, fond. Justement. Cet acteur. Il n'y a rien qui va dans cette fin de carrière de Proyas. Ça ne va plus. Ouais, non, mais c'est super triste. J'ai peur qu'il refait un film, là. J'ai très peur. Hein. Il refait un film, là ? Non, mais s'il en refait un. Ah, je crois pas. Parce que là maintenant, donc Gods of Egypt, si, sur la BO du film, bah, c'est l'Egypte, mais vu pas vu. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est l'Egypte cliché, tu vois. Ouais, c'est genre, tu joues Assassin's Creed Egypte, c'est la même. Ouais, c'est Assassin's Creed Origins, tu vois, c'est ça, et c'est l'Egypte, mais les petites pyramides en plastique, tu vois, c'est. Ouais, c'est ça. Mais bon, quand même, du coup, on vous sort le thème prologue, donc qui est composé par Marco Beltrami. Et donc, puisqu'on reste sur la médiocrité, tu peux peut-être parler de la VF du film ? Alors la VF, il y a du bon et du moins bon. Au niveau du bon, sur Gérard Butler, c'est Boris Rélinger et c'est Jason Statham. C'est Jason Statham, Colin Farrell ou Gérard Butler, habituellement. Le taux de subtilité correspond au film ? Voilà. Ou le chapeauté, j'ai appris ça, je ne savais pas. Tu sais que chapeauté, la voix de Jason Statham ? Incroyable. Oh putain. Sur Nikolai, le prince charmant de Shrek, c'est Damien Boisseau. On a déjà parlé, c'est la voix de James Marsden et de Matt Damon. C'est un bon doubleur pour le coup. Et par contre, Elodie Young, elle est française. Et souvent, qui dit acteur français dit doublage par ses acteurs. Un truc que je ne cautionne pas du tout. Parce que ces gens sont acteurs et ils ne sont pas doubleurs. Et c'est toujours, toujours mal doublé. C'est atroce. Les seuls qui doublent bien, c'est Jodie Foster. Elle est même pas française, quoi. Elle paye tes doublages. Ouais, mais j'aimerais bien parler anglais comme elle parle français. Hein. Oui, mais tu peux juste en termes de doublage. Du coup, Elodie Young, ça va pas. Ça, déjà, son perso est nul. En plus, c'est mal doublé. Je sais pas si elle joue bien en VO, mais en VF, elle joue mal, quoi. C'est dommage. Mais c'est un problème que beaucoup de films ont avec le fait de mettre des. C'est comme Mélanie Laurent qui s'auto-double. C'est pas incroyable non plus. Et au final, ce qui est étrange, c'est que c'est des acteurs étrangers qui se doublent en français, qui doublent mieux, genre Jodie Foster, Diane Kruger, Christoph Waltz. Christoph Waltz double super bien, quoi. Mais là, ça va pas. C'est Christoph Waltz, c'est lui qui fait ses doublages français ? Ouais, pas tout le temps, mais genre, je sais que Django, c'est lui, Inglourious Basterds, c'est lui. Bah quand même ! Ouais, non, souvent, ils sont tout doublés en français, c'est parfait, quoi. Ils sont parfaits, ces doublages. Et voilà. Bah écoute, et je te laisse démarrer sur ta scène préférée. J'ai pris le sphinx. Parce que je. Attends, le sphinx, mais. Oh, mais à l'aide! Parce que c'est si con que je trouve ça incroyable. Genre, vraiment, le gars, ils arrivent, on a le choix entre. J'explique, je peux expliquer. Les gars, ils arrivent, ils ont trois portes. Et alors ils font « Ouais, moi je sais quelle porte c'est. T'es sûr ?»« Non. » Mais ils foncent au hasard dans une porte et pouf, c'est la bonne. Ils arrivent devant le sphinx. Et alors là, c'est grandiose. Il y a Thoth, qui est quand même le tout savoir, il sait tout et tout ça. Et le sphinx lui pose une énigme. Il lui fait « Je pense que c'est le pouvoir. » « Non. Ok, c'est la justice. » « Non. Alors c'est ça. » « Non. C'est nul. » Que c'est ma scène préférée. Tout simplement. C'est d'une débilité extrême, cette scène. Genre, je sais pas, je comprends pas comment on a pu écrire une scène comme ça. Et je me suis marré comme pas possible devant Thoth qui fait « Oh, mais c'est quand même dur, votre énigme. Je pense que c'est ça. Non. » Incroyable. Moi, en scène préférée, honnêtement, c'est chaud, parce que genre, c'est vraiment laquelle est la plus drôle, mais... celle qui m'a le plus fait rire, c'est vraiment la fin, la battle des chevaliers du Zodiac. Sur la pyramide, là. Mais surtout... entre son œil et sauver la morue. Non, mais ça a aucun putain de sens, donc vraiment, c'est à l'aide. Mais c'est à l'image du film, c'est-à-dire t'es en mode, mais qu'est-ce que quoi, en fait. Donc voilà, pourquoi pas, en fait. C'est... Voilà. C'est à l'aide. Mais bon, on a terminé. On a pu parler de Gods of Egypt, le tristement célèbre. Et après avoir vu, donc, bon, on est rapidement passé sur les courts-métrages et sur les films et sur les clips. Mais surtout, ce qu'on a sur Alexproyas, c'est quand même un réalisateur qui a démarré avec la voix royale. C'est-à-dire qu'il a, bon, on l'a dit, il a quand même fait des clips pour des gros groupes. Il a fait son premier film indé. Son premier gros film avec The Crow, propulsé avec Dark City. Garage Days, en fait, j'ai même pas envie de dire que c'est dans la sortie, parce que Garage Days... J'ai envie de te dire, Garage Days, c'est un ovni. C'est un gros Aliens. Voilà, Aliens. On y retombe encore. S'il te plaît, tu pourras poster sur le compte, tu sais, juste la photo, genre, Aliens. Je mettrai en... Enfin, du coup, ça sera trop tard, mais je le mettrai en teasing. Ça veut dire, genre, Aliens. Et vraiment, Garage Days, en fait, je le compte même pas dans la chute, parce que, voilà. Mais à partir de... Enfin, genre, c'est-à-dire que dès iRobot, bah, ça coule, en fait. Et ça coule, mais ça se crache avec une violence. Mais c'est quand même super triste. Enfin, parce que, je veux dire, Dark City, c'est 98. Après, du coup, genre, 11 ans plus tard, il fait Prédiction, quand même. Et Prédiction, il lui faut quand même un trou de 7 ans pour faire Gods of Egypt, quoi. Je veux dire, il se vautre, mais avec une tristesse. Enfin, c'est... Mais quand même, comme on le dit à chaque film, j'ai l'impression que c'est pas sa faute. Parce que lui, ce qu'il filme, il le filme bien. Tu vois, c'est vraiment un problème de scénar, des problèmes d'effets spéciaux, des problèmes, c'est des problèmes plus ou moins externes à lui. Et je trouve ça hyper dommage, parce que je pense qu'il a le talent, quoi. Vu ce qu'il a fait, et même les défauts de réalisation, il y en a beaucoup moins que le reste. Et ça pour tout pourrait être tellement. Bah, tu dis que c'est pas sa faute, mais il a quand même participé à l'écriture, en tout cas, de Prédiction et tout ça, tu vois. Donc. Je veux dire, en termes de réalisation, je trouve que la mise en scène, même dans Gods of Egypt et Prédiction, bah ça passe, quoi. Oui, après c'est pas qu'une réalisation, donc il a quand même une petite part de responsabilité, mais. Moi, je trouve ça, j'ai vraiment trouvé ça assez triste. Et donc, toi, si tu jettes un regard global sur toute la carrière, qu'est-ce que tu en retires ? Bah, c'est ouais, ce que je viens de dire, en fait. C'est que la plupart, soit ces films sont bons, soit ils sont dommages. Ils sont nuls, mais dommages. On sent qu'il y a un potentiel derrière chaque film. Tu vois, Gods of Egypt, il y avait un potentiel de fou. Prédiction, le début était super. iRobot, si c'était bien vieilli, ça aurait été super aussi. Et c'est vraiment dommage de voir qui fait ça alors qu'il pourrait faire tellement mieux. Et après, sur son style, il a un style quand même assez reconnaissable dans ses idées, comme dans The Crow ou Dark City. Et après, dans ses mouvements de caméra, genre tu zoomes sur des fenêtres, les scènes de vol, je vois, dans The Crow, Dark City ou dans Gods of Egypt, t'as les mêmes, quoi. Surtout dans Gods of Egypt en moins beau, en moins bien quand même. En moins bien, mais ça reste des scènes de vol fluides. Il y a une réalisation qui est mise en scène lisible à chaque fois. Et non, après, il a du talent, quoi, c'est clair. Bah, écoute, on espère qu'il va pouvoir peut-être remonter... comment dire, remonter la pente. C'est la boucle, surtout. Ouais, c'est ça, parce que vraiment, c'est. C'est assez un escalator triste. Plus montant plutôt qu'escalier. Bah, là, ce que j'ai vu, c'est qu'il prépare une série pour élargir l'univers de Dark City. Il en a déjà parlé plus d'une fois. À voir ce que ça va donner, parce que bon, c'est. Faut quand même espérer que ça sera pas un Gods of Egypt, quoi. Récemment, donc comme je l'ai dit, en 2021, il avait fait un cours qui se passe dans l'univers de Dark City, donc c'est Mask of the Evil Apparition, mais que du coup, qu'on n'a pas pu trouver. Donc, ouais, Alex Proyas, c'est un réalisateur, donc c'est moi qui avais proposé ce sujet. C'est un réalisateur que j'aimais vraiment beaucoup, que j'avais en assez haute estime, mais que, enfin, donc Gods of Egypt, je m'en rappelais pas, j'avais pas pu voir toutes ces merdes, dire production, c'est quand même globalement pas bien, hein, c'est vraiment pas terrible. Et ouais, c'est vraiment, ça a été un peu dur de découvrir les vices, on va dire, de ce bonhomme. Mais bon, donc bah du coup, comme d'habitude, Melvin, merci à toi d'avoir participé avec moi à cette exégèse pour déterrer les petits secrets honteux, on va dire. Mais tu sais, comme d'habitude, maintenant il va falloir classer finalement les films. Donc ouais. Les films à classer, donc si je les résume, c'est Spirits of the Air, Gremlins of the Cloud, The Crow et The Crow, Dark City. Donc ça c'est pour les biens, en tout cas les deux biens. Et après on a Garage Days, iRobot, Knowing, donc Sachant, on va l'appeler Sachant, et Gods of Egypt. Donc j'ai le droit de faire mal. Bah écoute, je suppose, vas-y. Je tiens à préciser avant ce top que je fais parler en moi l'enfant qui sommeille en moi et l'amateur de fun. C'est pour ça que je mets Gods of Egypt en premier. Mais non, bah arrête de spoiler. Et non pas le cinéphile objectif. Je mets vraiment par pur goût. En dernier, c'est Spirits of the Air parce que j'ai vraiment. Oh la vache! En dernier, je préfère Gods of Egypt que ça. Je suis désolé. Ah, t'es rude. Bon, ok. Bon, Spirit of the Air en dernier. Ensuite, j'ai hésité longuement. Parce que d'un côté, j'ai Gods of Egypt, qui est moche, qui est nul. Mais je me suis tellement marré devant. Alors, d'un côté, j'ai Prédiction qui démarre bien. Mais c'est tellement pété à la fin. Oh putain, non, mec, non, t'as quand même pas hésité sur ça. Si, j'ai mis Prédiction et je préfère Gods of Egypt. Je me suis plus marré devant Gods of Egypt. Il y a Nicolas Cage. Oui, mais la fin est trop pourrie dans le pire film que j'ai jamais vu. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je sais pourquoi tu préfères Prédiction. Enfin, pourquoi tu préfères Gods of Egypt ? Aliens. T'es un alien. C'est pour ça. Ensuite, c'est là que ça va te faire mal. Je mets The Crow. En dessous de iRobot. iRobot, c'est un film, il a un truc. Je l'ai mis tellement enfant que tu vois, c'est resté. C'est un peu le film que tu découvres enfant, que tu gardes en tête. Et objectivement, c'est pas incroyable, mais t'as la nostalgie tout qui joue énormément. Et oh c'est pour Dieu. Ça que je le mets en troisième. Dark City deuxième et Garage Days tout en haut. Mais les Dark City, je suis vraiment content de leur découverte. Enfin, The Crow aussi, mais Dark City, c'était vraiment, vraiment super. Oh les coups de couteau. Oh, The Crow en quatrième. Mais donc, tu vois, après, je précise, il y a Spirits of the Air, Prédiction, Gods of Egypt, et là, il y a un écart monstrueux avec The Crow. On est d'accord. Ah ouais, mais merci, encore heureux. Ouais, ouais, ça me paraît normal. Bah écoute, pourquoi pas. Alors, moi, sur mon classement, donc tout en bas, mais vraiment tout en bas, je mets Gods of Egypt. Parce que c'était juste, mais qui. Tout en bas. Bah, tu commences à l'envers, donc le premier. Oh, à l'aide, mais... Non, parce qu'en fait, Gods of Egypt, c'était juste triste, en fait. Genre, tu le regardes, tu te dis juste, putain, mais le mec, il fait ça, quoi. Donc voilà, ça dégage. Après, en avant-dernier, tu sais que j'ai envie de mettre Garage Days juste pour te faire chier. Mais... tu veux, hein. Non, en avant-dernier, je mets... Mais je suis désolé, mes prédictions, tu peux pas mettre Garage Days derrière prédiction, quoi. Non, ouais, ça. En avant-dernier, je mets Prédiction parce que. Non, en avant-dernier, je mets Spirits of the Air, Gremlins of the Cloud. Parce que là, le problème, c'est que c'est oubliable. C'est juste tellement oubliable que. Il y a une cause d'Egypte, tu t'en rappelleras. Ah, je vois, mais pas pour les bonnes raisons. Et voilà, après. J'ai envie de mettre, enfin, je mets prédiction parce que Aliens, c'est vraiment, enfin, du coup, je veux dire, ça me donne envie de revoir un épisode de Alien Theory, tu vois, c'est juste, oh, finalement, pourquoi pas, tu vois, c'est, voilà. Ça. Après ça, ah, c'est là que ça devient chaud, hein. iRobot, je pense, parce que vraiment rien à foutre. Et après iRobot, je mets Dark City puis The Crow, et alors Garage Days, je le mets à côté parce qu'en fait, vraiment, je sais pas quoi en foutre, je sais pas quoi en faire. C'est-à-dire. Tu remarques que tu n'arrives pas à le classer par rapport à The Crow. Bon, c'est possiblement moins bon, possiblement meilleur. Non, The Crow pour le coup, c'est ultime. Vraiment, The Crow, c'est absolument incroyable. Je vous supplie, auditeurs, de le voir. Vraiment, c'est absolument dingue. Et Dark City aussi, vraiment The Crow et Dark City, c'est des claques monumentales. Et en fait, vraiment, Garage Days, je sais pas ce qu'il fout là. Tu vois, je pense que si je vais le classer en termes de qualité purement filmique, je le mettrais sûrement autour de. Ouais, je pense que je le mettrais autour d'iRobot. Tu vois, c'est finalement, on reste dans un ordre chronologique, mais. C'est vraiment The Crow qui est vraiment ultime. Donc on a terminé ça, c'était amusant, surtout sur la fin. Ce fou rire sur prédiction, je m'en remettrai jamais de cette fin. J'en ai jamais en parler sérieusement. Vraiment, je poste juste sans rien dire, tu mets juste le truc Aliens, tu vois, et tu mets la musique de X-Files en fond, genre. Tu sais, tu mets ça. Et. Donc, est-ce que tu veux. On a déjà dit que la semaine prochaine ce serait sur le MCU. Mais. La phase 2. Le retour de Chris. Ah, mais que j'ai déjà commencé à voir et oh, ça va débattre, ça va débattre, ça va parler, ça va être amusant. Encore te faire pleurer. Hein. Ah oui, non, mais ça, à l'aide. Mais est-ce que tu veux dire ce qu'on aura la semaine suivante? Donc, ce sera le 14 avril. Le dimanche 14 avril. Après le MCU, si vous en avez un peu marre de la science-fiction, des films un peu sombres, tout ça, on a décidé de passer à complètement autre chose avec Mark Webb. Mark Webb, c'est Amazing Spider-Man, mais après, c'est 500 jours ensemble, Marie, et un truc genre qui s'appelle Liaison à New York, donc on n'a jamais trop entendu parler, mais bon, on va encore devoir faire des sacrifices pour vous, les auditeurs. À savoir que Marie, Melvin me tanne pour que je le regarde, mais je ne l'ai pas encore vu. Mais non, mais tu sais quoi, je vais te motiver. Je le trouve meilleur que Garage Days. Pour moi. Ah, donc ça veut dire qu'il a une bonne playlist et tout, hein, putain, à l'aide. Non. Après, faut. Le fait que je fasse des maths joue un peu. Ça, c'est un peu sur les maths aussi. Mais bon, on en reparlera. Tu vas voir, c'est incroyable. Bah, après, je suis sur la page d'un truc à New York, là. Il y a Kate Beckinsale et Jeff Bridges. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ouais, mais je rappelle que dans Ghost of the Village, il y avait Gérard Butler. Bute-les, Gérard, bute-les. Ça, donc merci à tous nos auditeurs d'avoir regardé cet épisode. On vous invite évidemment à nous mettre en commentaire. À souffrir avec nous, à regarder des films. Non, mais à nous mettre en commentaire à chaque fois ce que vous pensez des films dont on a parlé, et éventuellement pourquoi The Crow est un chef-d'œuvre. Vous pouvez aimer Ghost of Egypt, on ne jugera pas, enfin presque pas. Ou pourquoi est-ce que Prédiction est une œuvre incomprise finalement. Donc on vous invite. En petite anecdote, je traînais sur YouTube pour regarder des scènes et tout, que j'avais un peu oublié. Il y avait vraiment des vidéos sur Prédiction. Pourquoi Prédiction est la meilleure œuvre de Proyas? Il y a plein de vidéos comme ça. Je n'ai pas cliqué. Mais non. Mais ça existe. Des trucs genre, pourquoi Prédiction est une œuvre oubliée et qui mérite d'être plus connue? Je ne sais pas combien de vidéos comme ça. Sûrement des complotistes. Mais qu'est-ce que... Ok. Et donc, on vous invite également à nous voir, à nous suivre sur Instagram et à mettre des petites notes ou des petits commentaires sur les plateformes de podcast. On lit tous vos retours à chaque fois et ça fait toujours plaisir de recevoir des petits messages. On espère que ça vous aura plu. Et on se dit à dans 2 semaines pour la prochaine phase du MCU. Salut.